À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Et donc, bah, je me suis déguisé, enfin, je me suis mis un casque de motard. J'ai eu les jetons, c'est tout. T'as vu un hérisson sur la route ou quoi? J'ai vu moins. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle, et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. À 17, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Fausse le dire, on est le 21 novembre, on est jeudi, on est en direct jusqu'à 20h à la radio et sur le Facebook live de Radio Occitanie et aussi de la page Facebook de l'émission Fausse le dire. Au programme ce soir, c'est un programme extrêmement chargé, nous aurons avec nous à partir de 19h Fabien Ordonès qui sera avec nous ici dans le studio de Fausse le dire avec beaucoup de surprises. Alexis Eskenazi de Plastic Vortex avec nous aussi et il n'est pas tout seul, il vient nous parler d'une super initiative, voilà, quelque chose qui va enfin nous débarrasser des merdes qu'il peut y avoir dans nos eaux. On est aussi avec Nicolas Marcoux de la CGT SDIS du Tarn, qui est pompier. Et bonsoir. Et on commencera avec vous cette émission. Il y aura bien évidemment la playlist de Pierre-Nicolas. Bonsoir Pierre. Ah, moi aussi avec ça. Je suis là avec mon rhume. Avec le rhume. J'ai failli éternuer. Oh mon corps. En plein direct. Bonsoir. Avec ma feuille, tiens, je la montre à la caméra. Feuille d'impôt. La feuille d'impôt, très bien. À mon avis de taxe d'habitation qui a baissé. Alors attends. Qui a baissé. Ah oui. Quelqu'un qui vous a dit, je vais la supprimer. Bon, je vous la supprime pas, mais je vous la baisse. C'est vrai. Il y a d'autres choses qu'on va faire du fact-checking. Il y aura coup de cœur, coup de gueule, le point C. On est avec Ginger qui est là. Bonsoir. Comment ça va, Ginger? Eh bien, ça va. Je suis un petit peu fatiguée parce que c'est l'hiver, mais ça va. C'est l'hiver, ça va passer. Je suis contente d'être là. Ça va passer assez vite. À ma gauche, Clément Pêche. Qui oui. Est là. Oui, comment bonjour. Tu vas? Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Bah écoutez, oui. Ça commence bien. Mais ça fait longtemps, Doudou, mais là. Faut pas te gêner. Mais tu viens plus aux soirées? Non, je viens plus. Je suis occupé. Je dois être au boss. En cabine, Jean-Loup qui est là, qui remplace Annaëlle. Le temps qu'Annaëlle arrive, il sera là tout à l'heure à partir de 18h30. Comment ça va? Il y a une fille aussi avec lui. Salut. Il y a Mélanie aussi avec moi. Il y a une fille qui est là. Ben oui, Mélanie, qui va venir au micro bleu dans quelques. Dès qu'elle peut. Voilà. Ou qui reste avec Jean-Loup. Je sais pas, vous faites comme vous voulez ce soir. On fait un petit peu. Ça va me changer, on va être plusieurs filles. Vous êtes à l'écoute de Fausse le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. 20h, c'est Fausse le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et on commence avec vous, Nicolas Marcoux, pompier. On s'est eu au téléphone il y a un petit moment. Voilà, rebonsoir. Rebonsoir, ouais. Et on va parler un petit peu de tout ce qui se passe, parce qu'on entend beaucoup parler. On a reçu un policier, ça n'allait pas. On a reçu l'école, ça ne va pas. On a reçu... bien sûr, on va recevoir un maire, parce que ça ne va pas non plus. On a reçu les infirmières aussi. On a reçu les infirmières au tout début avec Interurgence, qu'on va aussi recevoir dans pas longtemps qu'elles vont revenir. Ça ne va pas non plus. Et les commerçants, on a reçu. Les commerçants, on a reçu, ça ne va pas non plus. Et ce soir, on a un pompier. Comment ça va, vous, ce soir? Alors, moi, personnellement... Je dirais dans ma vie, ça va. Ça va. Mais sur le plan service public et combat à défendre pour la suite, ouais. Je dirais il y a du souci à se faire. D'accord. Vos conditions de travail, on peut en parler un petit peu là, parce que vous êtes en grève depuis combien de temps maintenant? Alors, il y a une grève qui dure, donc lancée par une intersyndicale au niveau national, donc qui représente quasiment la totalité des sapeurs-pompiers en France, professionnels. Ouais. Donc une grève qui a été lancée depuis fin juin, donc qui a été reportée dernièrement donc de novembre au 14 janvier. Mmh. Voilà. Oui. Non, voilà, cette grève, elle est donc nationale. Elle est suivie plus ou moins dans chaque département, parce que nous sommes gérés par département, les sapeurs-pompiers. Voilà, donc en Haute-Garonne, ça monte petit à petit. D'accord. Et alors, pourquoi vous êtes en grève exactement? Alors, la raison de la grève, c'est parce qu'en fait, nos représentants au niveau national n'ont pas été entendus sur l'ensemble des revendications qui portent au niveau du gouvernement. Bon, on les reprend rapidement, les revendications. Il y a les budgets, les effectifs, alors, les violences. En gros, c'est le budget, c'est souvent... Interventions. Oui, le budget, donc je vais les reprendre. Oui. Voilà, oui, il y a... On va dire qu'il y en a cinq principales. dont on n'entend pas parler, mais qui est plus insidieuse que les autres et moins parlante pour le coup, c'est la réforme de la fonction publique, en fait, dans sa généralité. Donc nous sommes fonctionnaires et nous serons impactés donc par cette réforme qui vise à précariser en fait l'emploi. Si on précarise l'emploi, eh bien on a donc des métiers qui ne durent pas forcément dans la vie, et on a moins possibilité de se défendre parce qu'on risque le licenciement plus facilement. La deuxième, c'est la prise en compte par tous les départements et aussi le gouvernement de multiples dangerosités dans notre métier. Alors c'est l'histoire du métier à risque, classé métier à risque, c'est l'histoire des primes au feu, c'est quoi ? Alors, tout ça, c'est lié. Alors, métier à risque, ça n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. Ouais. On peut dire, vous serez métier à risque, ça ne nous donnera rien du tout. Nous sommes classés en catégorie active. Ça nous permet de partir à 57 ans, en fait, aujourd'hui. Mmh. Et ça nous permettra aussi, si la réforme de la retraite passe comme ça, partir à 57 ans. 57 ans, c'est déjà bien assez vieux pour un sapeur-pompier. S'il s'avère que nous ayons besoin de travailler plus longtemps, par exemple jusqu'à 60 ans, pour les agents qui devraient encore monter dans les camions, parce qu'une pyramide, ben, ça se referme et tout le monde ne peut pas être tout en haut, eh bien, il y en a bien qui vont devoir monter à 60 ans dans les camions. Et clairement, on ne fait pas le même travail à 60 ans en termes qualitatif et notamment du point de vue physique que quand on a 20 ou 30 ans. Il y a l'histoire de la planche. Oui, t'imagines comment on peut faire ça. La fameuse planche, oui. Tout à fait. Alors, ça pose en fait, dans ces revendications, il y a plusieurs problématiques qui nous permettent de sensibiliser la population. C'est qu'il y en a, elles nous touchent, nous, si on tombe malade, si on peut reconnaître une maladie professionnelle, un cancer dû à la toxicité des fumées ou des choses comme ça. Et après, il y a ce qui touche directement la population. Donc ce qu'on vient d'évoquer, l'âge de départ à la retraite, si je dois venir sortir quelqu'un du feu à 60 ans, ben peut-être qu'on y restera tous les deux, en fait. Et il y a aussi une autre revendication qui touche pleinement notre qualité de service que l'on rend, c'est le nombre de sapeurs-pompiers professionnels qui, dans l'ensemble de la France, diminue, alors que les interventions augmentent. Concrètement, il y a deux ambulances dans des centres de secours en moyenne, en Haute-Garonne. Ces ambulances, il y a trois hommes par ambulance. Si on est 8 de garde, dès que les deux ambulances sont parties, il n'y aura plus personne pour assurer le fourgon qui permet d'éteindre les incendies, de faire les sauvetages et tout ça. Aujourd'hui, on est à peu près dimensionné pour assurer deux ambulances et de quoi traiter un incendie. Mais demain, si on essaie de nous rentabiliser encore plus et de ne plus embaucher, eh bien, nous allons partir dans tous les sens, de Toulouse, aller assurer la couverture au nord de Toulouse, alors qu'on devrait l'être au sud, et les délais d'intervention seront bien plus longs. Un délai d'intervention pour une cheville cassée, c'est pas grave. Un délai d'intervention supplémentaire pour, comme je vous disais, quelqu'un qui a les flammes aux fesses ou qui a un arrêt cardiaque, bon, mais concrètement, ça change la donne. Est-ce que vous n'êtes pas comme tous ces services en France qui disent « on est en évolution » parce que le monde change. Vous, par exemple, vous faites de plus en plus de secours aux personnes. Vous en faisiez moins avant. Donc, le monde change. Et je sens que vous expliquez que vous avez peur de ne pas être prêt ou que vous avez peur de ne pas être compris. En fait, on ne nous donne pas forcément les moyens de nous adapter. Voilà. Y a plusieurs manières d'arriver à rendre un meilleur service public. C'est où, par exemple, pour prendre le secours à personne qui concerne 80% de nos sollicitations et qui clairement est le secteur qui pompe de l'argent. Oui, rapidement, en deux mots, pourquoi ça augmente tellement en ce moment ? Alors, c'est pas qu'en ce moment, en fait, ça fait déjà plusieurs années. Eh bien, parce que tout est chapeauté par le médecin régulateur. Au SAMU. Le médecin régulateur, c'est lui qui prend la responsabilité de l'engagement ou pas des sapeurs-pompiers ou d'une ambulance privée ou tout ça. Il prend la responsabilité aussi du transport vers un hôpital, et après, s'il y a un problème, c'est lui qui ira devant le juge. Donc, le médecin régulateur, et personne ne doit lui jeter la pierre, il essaie peut-être de faire de son mieux, mais tout en se sauvegardant aussi au niveau de sa personne et juridiquement. Donc c'est par sécurité qu'il fait appel à vous, c'est ça ? Alors, à nous ou à un ambulancier privé ou à envoyer une équipe médicale, mais c'est par sécurité que peut-être, en fait, il va envoyer systématiquement ou plus facilement quelqu'un voir si réellement ce qu'il a entendu au téléphone est grave ou pas. Le problème, c'est que nous, quand on est sur quelque chose qui pouvait paraître grave au début et qui ne l'est pas dans les faits, eh ben on n'est pas ailleurs et on n'est pas pour l'intervention qui réellement est grave. Mmh. Et c'est et là donc le problème, si on le prend vraiment à la base, c'est un problème aussi d'effectifs au niveau du SAMU, parce que eux aussi fatalement ils ont le nombre d'appels qui augmente, et le médecin qui se retrouve tout seul là où il pourrait être deux ou trois pour travailler comme il faut, et ben en fait quand il a cinq ou six appels en absence, enfin en attente, et qu'il doit gérer celui-là, ben à un moment il va pas aller creuser plus loin avec la personne qu'il a au bout du fil. Mmh. Il va dire bon ben ok, ben j'envoie les pompiers, cluc, et c'est parti, et j'enchaîne comme ça, et j'enchaîne comme ça, et après nous, quand on veut faire une régulation nous-mêmes, et moment, vous aussi, quand vous appelez le SAMU, eh bien, on connaît tous la musique d'attente qui est insupportable, parce qu'en en fait, on ne doit pas attendre quand on appelle le SAMU. Voilà. Je vais... vas-y. Clément. Oui, Clément. Clément. Moi, j'ai une question, en fait, c'est... bon, vous nous parlez essentiellement des pompiers professionnels, on est bien d'accord, oui. Donc ceux qui dépendent des SDIS. Alors, les pompiers volontaires dépendent aussi des SDIS, mais pour le coup, comme ils ne sont pas travailleurs, ils ne sont pas impactés par toutes les revendications en fait qui sont portées. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de manœuvre pour essayer d'augmenter donc la part de pompiers volontaires histoire de faire des économies justement? Est-ce que c'est ou rien à voir? Je ne suis pas certain que nos dirigeants soient dans cette stratégie parce que déjà le déséquilibre il est énorme. Il y a 200 000 pompiers volontaires en France pour 40 000 professionnels. Donc en fait le système repose déjà en grande partie sur le volontariat. Ils ont de plus en plus de mal à trouver des pompiers volontaires parce que ça demande un gros investissement pour une rémunération qui est modique, quoi. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est arrivé à bout de souffle. En plus, la réglementation risque d'évoluer bientôt parce qu'un sapeur-pompier volontaire, je vous le dis, il n'est pas considéré comme un travailleur. Donc, il ne cotise pas, mais lui, ça lui fait un petit peu d'argent de poche, on va dire, d'argent de poche où il est bien moins payé qu'un professionnel pour les mêmes risques, hein, et les mêmes responsabilités. Surtout, il n'est pas soumis, par exemple, au repos de sécurité et un maximum de temps de travail. Il n'a pas tous les avantages, entre guillemets, le mot est mal choisi, liés à la dangerosité ou à la difficulté du métier. Oui, mais alors même par rapport à un travailleur classique ou lambda, je dirais, c'est que lui, en fait, il pourrait être sollicité toutes les nuits après avoir quitté son travail. En fait, il n'y a aucune réglementation pour l'instant qui impose l'employeur à dire stop. Ou alors, franchement, il y en a, mais elles sont ridicules. On est loin du repos de sécurité, quoi. Mm-hmm. Et arrive ça ? Il y en a qui font toutes les nuits Non, parce qu'en fait... Là, pour l'instant, mais et c'est rare, ça fait depuis pas longtemps, ça fait depuis un ou deux ans, il y a une réglementation qui dit, en fait, qui préconise à l'employeur de pas trop exagérer. C'est-à-dire qu'un travailleur à plein temps, il fait 1600 heures, sans compter les heures sup et tout ça. Et donc, la réglementation dit qu'on ne doit pas être présent sur son lieu de travail ou pour un travail plus de 2256 heures. Donc en fait c'est ce delta entre le temps plein, 600 heures en gros. Un pompier volontaire, s'il a un travail à temps plein, ne doit pas travailler plus de 600 heures au service d'un département. Il y a un truc qui m'étonne. Pardon. Ça me paraît énorme. Il y a un truc qui m'étonne. Ça fait 10 minutes, 12 minutes qu'on parle ensemble. Vous m'avez pas encore. Il y en a partout sur les réseaux sociaux. Il y a 20 ans, j'interviewais des pompiers, ils m'en parlaient déjà. C'est les violences que vous subissez en intervention. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, elles font partie des revendications et ça fait partie des choses qui sensibilisent le plus les gens. À raison, hein, parce que c'est quand même un grave problème, ne serait-ce déjà dans l'éthique. Enfin, je veux dire, oui. Bon, après, j'aime pas dire ça parce que moi, je suis impacté, donc j'aime plutôt que ce soit les gens qui le disent, mais c'est anormal. C'est à vous de le dénoncer. Mais on le dénonce et on travaille pour que ça ne se passe plus. Alors, comment on y travaille? Eh bien, c'est parce que déjà, en fait, par exemple, en Haute-Garonne, il n'y a pas foncièrement plus d'agressions qu'il y a 10 ans, par exemple. Je reste prudent quand même, mais je ne dirais pas il y a 10 ans, il n'y avait pas d'agressions, ou 20 ans, et maintenant, il y en a plein. Non. La différence, c'est que maintenant, on est plus sensibilisé sur qu'est-ce qu'est une agression. Quand je me fais insulter, est-ce que c'est une agression? Bon, quand je prends un coup de poing, c'est un peu plus flagrant. Et surtout, on est sensibilisé sur la procédure qu'on doit tenir après. Et surtout encourager, là par notre direction, à porter plainte systématiquement. Pour nous aider à porter plainte systématiquement, on a une facilitation de la procédure. C'est-à-dire qu'on passe en priorité au niveau de la police ou de la gendarmerie et qu'après on est épaulé par tous les intervenants pour la plainte. Après, bon... Porter plainte contre une batterie qui arrive du 6e étage ou une machine à laver qui tombe du 10e quand vous êtes en intervention... Tout à fait. C'est pas évident, hein ? Non. Alors, pour pallier à ça, parce que après, encore une fois, nos dirigeants ne choisissent pas forcément de traiter la cause, on a des procédures donc en parallèle avec la police, parce que la gendarmerie, les secteurs gendarmerie qui sont généralement des secteurs plus ruraux sont moins impactés en fait. On a des procédures que si on sent que l'atmosphère d'une intervention n'est pas sécurisée, on peut se replier, on interviendra plus tard tant que la police qui se rend sur place ne confirme pas que la zone est sécurisée. C'est dingue. Pourquoi taper sur les pompiers? Est-ce qu'on vous a déjà dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des insultes qui pourraient, ou c'est l'uniforme, c'est vraiment contre l'État, c'est... Franchement, je n'en sais rien. Il se dit que c'est parce que on représenterait l'État au travers de l'uniforme, ça, je sais pas. Parce que vous sauvez, je sais pas du tout. Déjà les policiers, je comprends pas, mais à la limite ça peut s'expliquer parce que voilà, peut-être que ça interrompt le trafic et tout. Mais les pompiers, putain, vous êtes là pour sauver les gens. Alors, parlant de trafic, pour le coup, même si on en pense ce qu'on veut de cette raison, effectivement, nous aussi, on est potentiellement, on peut rompre le trafic. Oui. Voilà. Ah, moi-même, je me suis fait refuser l'accès à un immeuble au niveau des Isards, par exemple, parce que je dérangeais. Et pourtant, il y avait bien quelqu'un dans cet immeuble qui avait besoin de nous, quoi, qui avait appelé d'ici. Donc, demi-tour, attente de police qui sécurise les lieux, on rentre, mais bon, heureusement que c'est pas grave. Les policiers qui aussi sont cahiers sur le passage, oui, Ginger. Oui, qu'est-ce que vous pensez des récents des événements qui se sont passés lors d'une manifestation à Paris Donc, avec les CRS. Oui. Ouais. J'en pense que j'aimerais pas être à la place des CRS parce que, en fait, ils ont eu le tapage médiatique énorme et contre eux. Alors, bon, certes, je suis un peu mitigé sur l'image où on voit bien que le CRS il vise bien la tête du collègue avec la lacrymo. Je pense qu'il aurait pu viser peut-être un peu plus bas. Malgré tout... Enfin, il n'y a pas que sur les pompiers qui font ça, hein, soit dit en passant. Tout à fait. Plus, non, bien encore sûr. Récemment. Image très marquante parce que il y a cette image de sauveur, cette image parce de... qu'on vous aime, toujours... on vous aime tout simplement. Et c'est vrai que oui, c'est devenu récurrent de voir les CRS s'en prendre à des manifestants lambda, mais cette image des pompiers c'était très particulier, je pense pour vous, mais aussi pour l'opinion publique sûrement. Alors nous on n'est pas dupes, hein. On sait très bien que le CRS c'est son travail en fait, alors pas de visée à tête encore une fois, mais par contre il a reçu un ordre, et peut-être celui qui lui a donné l'ordre, il a reçu un ordre d'au-dessus encore, donc loin de vouloir incriminer au plus fort le CRS ou les CRS qui ont malmené les collègues, on est aussi associé un peu aux mêmes problématiques, hein, avec les CRS on travaille souvent avec eux, donc je veux dire, ça dérange. D'ailleurs, ils ont rapidement tweeté dès le soir même, il me semble, comme quoi les collègues CRS étaient honteux de ce qu'ils avaient dû faire. Quoi. Ils avaient choisi. Un CRS, une, en fait, une nouvelle par fois, principe, ils ont une mission. Pas, Après, ce qu'ils font dans la mission, c'est le choix de chacun. Comme vous, hein, si vous devez aller sauver quelqu'un, aller dans les flammes et tout... il y a un protocole, mais il y a aussi des choix. Alors ça c'est mon avis personnel, un CRS c'est fait pour obéir, il y a une hiérarchie, s'il commence à plus obéir il est plus CRS en fait, voilà. Bon, mais ça risque de mener à quoi tout ça si un jour tout le monde est confronté, tous ceux qui sont censés nous protéger sont confrontés, c'est ça, il y a peut-être une petite nuance entre le maintien de l'ordre et des violences policières. Oui, mais il n'est pas CRS, il est pompier lui. Alors, après ça c'est des questions, mais justement c'est ce qui nous est arrivé, et ça marque plus parce que voilà, les gens ils aiment les pompiers, mais effectivement comme vous disiez ça arrive sur tout le monde. Quel est l'objectif, parce que clairement il y a quelqu'un qui donne des ordres derrière, quel est l'objectif, est-ce qu'on veut rendre ces manifestations plus violentes en provoquant la violence, ou je ne sais pas, après j'ai pas encore il faut recentrer le débat, je crois. Que fait la CGT des pompiers le 5 décembre? Alors, le 5 décembre, comme d'ailleurs... Une grande manifestation générale. Voilà, contre la réforme des retraites. En ce moment. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser que ce soir, je suis tout seul, mais qu'en fait, je parle, tout ce que je viens de dire, je parle au nom de l'intersyndicale locale, et j'excuse mes collègues qui n'ont pas pu venir. L'ensemble de l'intersyndicale appelle à la mobilisation chez les sapeurs-pompiers, à rejoindre le cortège donc interprofessionnel donc le 5 décembre pour dire non à la réforme de la retraite. Voilà. Le 5, ça va être une journée. On sera en émission. Je pense qu'on va couvrir un petit peu tout ça. On verra tout à l'heure. Je regarde la réalisation, je regarde Martin. On va voir tout ça parce qu'il y aura aussi les étudiants. Il y aura sûrement les professeurs, les pompiers, les policiers qui menacent aussi sévèrement. Hein, d'ailleurs, les retraités. Il y aura. J'aimerais pas être président aujourd'hui. Voilà. Et encore moins le 5. Voilà. D'autres questions, peut-être. Je me tourne vers tout le monde. Pas d'autres. On a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce que vous avez encore un message peut-être à dire, là que vous êtes là J'ai une demi-heure. On vous invitera, ça c'est sûr en tout cas. Bon, en tous les cas, on vous aime. Bah oui. Voilà, c'est moi, ça me paraissait important de vous le dire et de vous le répéter. Mais vraiment, on a besoin de vous. Ouais. Merci. Nous, on essaie de défendre au travers de nos revendications. On veut défendre notre service, le service qu'on rend, parce qu'en fait, on s'engage pour ça. Et si on commence à nous obliger à mal faire notre travail, ou en tout cas le faire dans des mauvaises conditions, on arrête ce métier, quoi. Ou on le défend ou on l'arrête. Quoi. Très bien. Nicolas Marcou, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bien évidemment, votre passage sera retrouvé sur les réseaux sociaux en gros titre pour être entendu le plus possible. Nos dirigeants. On passe à la suite, on continue en musique avec Fermion Doniès qui sera avec nous tout à l'heure, Piel Canela, qu'on peut déjà commencer à passer, et on se retrouve tout de suite après pour le coup de cœur, coup de gueule. On parlera aussi de Plastic Vortex. Et vous êtes à l'écoute de Fausse le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. C'était Fabien Ordonez, le papa de Big Flory, et on vient d'écouter Piel Canela. Il sera avec nous à partir de 19h. Il est génial, moi je l'aime beaucoup. Un petit jingle, celui que tu veux, Jean-Loup. Vous aimez Fausse le dire à la radio? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et bien évidemment, vous nous adorerez en live sur Facebook, il est actuellement en train de passer. On passe au coup de cœur, coup de gueule, avant de parler de Plastic Vortex, qui sont tous les deux avec nous. Yes. Coup de cœur, coup de gueule, je vais commencer avec toi, Pierre. Avec moi. Allez, c'est parti. Je suis venu avec des papiers, je suis venu plus précisément avec ma feuille d'impôt qui est arrivée ce matin, ma taxe d'habitation. Alors, vous savez qu'à Paris... c'est en France, hein, c'est la capitale. Il y a quelqu'un dans le palais d'Élysée qui est arrivé il y a 2 ans qui a dit la taxe d'habitation, c'est fini, c'est terminé, vous allez voir, vous allez faire des économies. Bon, quelques mois après, il avait déjà changé d'avis, il a dit ça va baisser. Alors ce matin, hier j'ai prévenu ma copine, je lui ai dit il y a ma taxe d'habitation qui arrive demain, prépare-toi, on va manger au flunch, hein, parce que ça va baisser, donc il y aura des sous un petit peu, on va pouvoir en profiter. Alors je suis venu avec mes feuilles d'impôt. Alors j'ai d'abord celle de 2018, Ginger, mon petit bouchon. Oui. Montant de votre impôt, qu'est-ce que tu lis en 2017? 837. Et la feuille d'avis d'impôt de taxe d'habitation, 837 euros. Et là, alors la même, mais pour 2019, celle qui est arrivée ce matin, qui donc a baissé. Ouais. Donc c'est moins que 837. Qu'est-ce que tu dis, mon petit bouchon, ici? Regarde, montant votre impôt. 855. Elle le fait bien. Hein. Elle le fait très bien. Voilà, bon, je crois que ça se passe de commentaires. Mon coup de gueule, c'est ça, c'est que mon impôt devait disparaître, il n'a pas disparu. Bon, soit après tout, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais en revanche, il devait baisser. Ben, il n'a pas baissé, il a augmenté. Mais ouais. Peut-être que c'est donc parce ce serait que t'as bien. Gagné plus. Pardon ? Si t'as gagné plus. Oh, tu rigoles. J'ai gagné moins parce que je suis retraité et que l'augmentation de la CSG m'a fait perdre la première année de retraite 500 euros. Ouais. Sur l'année de ma retraite. Donc j'ai de toute façon c'est pas les taxes d'habitation, c'est pas. T'avais pas la petite lettre signée de Gérald Darmanin avec je devrais lui ressortir. Parce que moi je l'ai eu celle-là. Mmh. Ouais. Mais t'as bon voilà chance. Quoi. Moi j'avais chance, un, hein. J'avais un. C'était un très personnalisé. Quand j'étais en cours moyen 2, il s'appelait Monsieur Jessu. C'est rigolo déjà le nom Jessu. Il doit plus savoir maintenant. Il m'avait dit écoute, il faisait très attention. Il disait toujours, je dis toujours la vérité à mes élèves parce qu'un enfant à qui on a menti une fois n'a plus jamais confiance après. Il passe sa vie à se méfier de tout. Moi, je ne me méfie pas de tout, mais je suis bien obligé de constater que ma taxe d'habitation, elle n'a pas baissé. Elle a augmenté. Voilà. Ouais. Et j'ai pas compté dedans la redevance audiovisuelle. J'ai pris que la taxe d'habitation. Bah donc arrêtons de dire que la taxe va baisser ou qu'elle a baissé. Mmh. C'est pas vrai. Elle a augmenté. Mmh. Pas de beaucoup, mais elle a augmenté. Voilà, c'est tout, c'est fini. Attention au gouvernement, le 5, on a Pierre qui est en colère. Donc, après l'émission, peut-être qu'il va aller manifester. Mais non, mais c'est un fait, je veux dire. Rendez-lui le pognon, c'est dingue. C'est juste un constat. C'est donc rendez-lui son pognon. Totalement. Voilà. Tiens, Clément, tu es là. Moi ? Oui. T'avais qu'à taire. Un petit coup de gueule, je crois. Oui, un petit coup de gueule. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, c'est un truc que j'ai trouvé sur le site de France 3. Donc, par rapport à une vente aux enchères de matériel de pompiers. Voilà. C'est dommage que notre camarade soit parti, mais bon, enfin voilà. Donc, il y avait des ventes aux enchères de matériel d'intervention et aussi des camions-citernes, etc. C'est mis à prix pouvant aller de 200 à 3900 euros. Et donc les pompiers locaux, donc du SDIS du 65, donc des Hautes-Pyrénées, insistent bien en disant qu'ils ne vendent pas ça à des professionnels, mais seulement à des particuliers. Et donc ils donnent quelques anecdotes à ce sujet. Les poids lourds sont le plus souvent rachetés par des artisans. Nos ambulances sont retapées pour les transformer en camping-car, ça c'est marrant. Enfin, beaucoup de véhicules incendies sont acquis par des personnes de nationalité portugaise qui les rénovent avant de les envoyer en Afrique. Et cette vente aux enchères, d'après ce que disent les pompiers du 65, doit rapporter entre 40 000 et 60 000 euros, une somme loin d'être négligeable, je cite les confrères, pour des pompiers qui voient leur financement diminuer chaque année. Le SDIS 65 compte 380 véhicules dans tout le département des Hautes-Pyrénées, dont 60 ambulances. Donc, on voit où on en est, quoi. Donc, quand vous vous promenez sur la route, souvent vous voyez donc toutes ces pancartes donc taguées des pompiers des SDIS divers et variés qui se plaignent justement des baisses de dotation et des baisses des moyens attribués par l'État. On en a quand même une illustration supplémentaire, d'autant plus que dans un rapport du Sénat en liaison avec le budget primitif 2019 ou prévisionnel, je ne sais plus, indiquait une stagnation des dépenses d'investissement de la part des SDIS, c'est-à-dire de la part de rachat de matériel. Et je trouve que c'est plutôt malvenu dans la mesure où il y a de plus en plus d'interventions, on demande de plus en plus aux pompiers d'intervenir, mais s'ils doivent intervenir dans du matériel vétuste, je pense que encore une fois on leur fait des conditions de travail pas possibles, et que ce soit pour eux, pour les policiers d'ailleurs, hein, c'est la même chose aussi, quoi. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule. Encore une fois, on demande aux agents publics de faire l'impossible, on leur demande d'attaquer une montagne à coups de cure-dent. Voilà. Mélanie, c'est un coup de gueule aussi que t'as, toi ? Moi, c'est un coup de gueule, coup de cœur, en fait. Ah, cool, hein, on passe à toi, Mélanie. Alors, samedi, le mouvement des Gilets jaunes soufflait sa première bougie. La fête d'anniversaire fut brève. Rendez-vous à 14h à Jean Jaurès. 14h15, on n'a pas eu le temps de sortir le gâteau. C'est la dispersion. Les allées s'enfument, et ce n'est pas à cause des bougies qu'on aurait soufflé. Le brouillard de lacrymo est épais et il pique. Donc, on marchait, ils chantaient, puis on tousse, on pleure, ça crie, on court, ça crache. Il y a les habitués qui dégainent le sérum Phi. Et les autres, puis les badauds, tout le monde essaie de fuir les nuages qui brûlent. Une fois le brouillard dissipé, on s'interroge sur le terme lacrymogène, lacryma genesis, qui engendre des larmes. Parce que là, il me semble que ça engendre un peu plus. On parle de difficultés respiratoires, d'étourdissements et parfois de vomissements. Et c'est suite à ce constat que Gaz Buster est arrivé. Alors, Gaz Buster, c'est Alexander Samuel, un biologiste de formation et prof de maths niçois. Depuis quelques mois, il mène une étude sur ces gaz et ses effets sur la santé. Après avoir été sollicité par des gilets jaunes qui, depuis maintenant un an, sont exposés les samedis à ces émanations et s'interrogent de certains symptômes, Alexander Samuel lance en mai une campagne d'analyse avec 3 médecins. Après des prises de sang des manifestants, ils constatent des taux anormalement élevés de... Alors, je vais vous demander d'être indulgent sur les noms scientifiques parce que ça va être sympa. Thiocyanate, molécule formée après l'assimilation de cyanure par le foie. Gasbuster se plonge alors dans la littérature scientifique. Le composant lacrymogène utilisé en France est le chlorobenzylidène malonitril. Voilà. Hein, voilà, vous chercherez sur internet. C'est Cette molécule, une fois présente dans le sang, libère du cyanure. Plusieurs études depuis 1950 l'affirment. Alors, muni de kits d'analyse Sinogard, donc c'est utilisé par le FBI, attention, ah, quand même. Ah, oui. Commercialisé en vente libre depuis 2018 et à 15€ sur Internet, il décide de faire des prises de sang directement pendant les manifestations. L'équipe de scientifiques teste le sang avant la manifestation et après la manifestation. Les résultats sont édifiants. Les normes d'empoisonnement au cyanure sont de 0,5 mg par litre de sang et sa dose mortelle est à 1 mg. Parmi les personnes testées, certaines affichent des taux voisins de 0,7 mg par litre. Bien que l'étude de Gasbuster et son équipe soit contestée, le monde scientifique et de toxicologie s'intéresse de plus en plus à cette question parce qu'il faut savoir que le composant lacrymogène est considéré comme une arme chimique. Son emploi est interdit dans le cadre de conflits armés, mais pas pour le maintien de l'ordre. Voilà, c'est mon petit cadeau. Samuel Alexander est déjà à 3 gardes à vue depuis 6 mois à une perquisition de son matériel informatique et de ses recherches qui lui ont été remis depuis. Hein. Lui et les 3 médecins font l'objet d'une enquête préliminaire pour violence aggravée et mise en danger de la vie d'autrui et ont reçu des menaces de mort. Alors, pour les gilets jaunes, pour les pompiers, pour ceux qui rentrent chez eux, pour les enfants, les flics, les femmes enceintes, les manifestants, la fête de la musique et les anniversaires un peu musclés, on souhaite savoir. Merci. Eh bien, et ouais. Je vous conseille une petite vidéo justement de Gasbuster. C'est une vidéo sur YouTube d'une heure où il est en entretien pour le média. Ça s'appelle « Gaz lacrymogène, un scientifique sonne l'alerte ». Et on la mettra sur la page Facebook de l'émission, faut se le dire, comme ça c'est encore plus facile de le retrouver. Merci beaucoup Mélanie, c'est affolant quand même, parce que on a Martin là en cabine technique justement, où effectivement il y a eu beaucoup de... Il en a vu passer de la fumée. Le dernier dirigeant qu'on connaît pour avoir gazé son peuple, c'est qui déjà? Même sans remonter à des cas comme celui-là ou à la Première Guerre mondiale, il n'y a rien de plus con que du gaz. Ça peut se retourner. D'abord, ça frappe pas ceux que tu es supposé vouloir frapper. Oui. Ça frappe le type qui passait dans la rue, le passant, la gamine, le père, la mère avec ses gosses et tout. Voilà, déjà, c'est un. Et puis, en plus, ça peut se retourner du premier coup contre celui qui l'a lancé. Une fois où il l'avait fait sous un pont. Ils avaient balancé les trucs et en fait, après, ils étaient restés coincés sous le pont et du coup, ils étaient. Ils ont les masques, ils ont tout. Il n'y a rien de plus con que des gaz. Donc, à mon avis, ça devrait pas être utilisé comme ça, d'autant que la composition chimique évolue sans arrêt. C'est hallucinant. Et que parce qu'il y avait dedans, forcément, on se posait pas forcément la question. Plus costaud. Il faut savoir qu'il y a des analyses qui sont faites aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a une certaine concentration, et en France, c'est 25 fois plus concentré que ce qui est utilisé aux États-Unis. On a fait mieux que les Américains. Ah, avec votre McDo, votre Burger King, là, on vous a battu, hein, avec votre Hollywood, là. Super. Et vos Lévi-Strauss. Merci beaucoup Mélanie. Donc la vidéo sera en lien sur la page Facebook de Fausse le dire. Moi j'ai un coup de gueule FIP en région, en France comme je préfère le dire. Et ben c'est fini. Et c'est à partir du 1er juillet 2020. Ça y est, cette fois c'est terminé. Le coup près est tombé. Vendredi lors d'une réunion au siège de Radio France à Paris, où tous les personnels de FIP et donc les amis aussi, ceux de Bordeaux et d'ailleurs ont appris que c'était terminé. Maintenant tout allait être décidé depuis la capitale, un petit peu comme beaucoup de radios, voilà, et que c'est arrivé au MOVE, qui a dû retourner à Paris. Je trouve ça vraiment triste, dommage. Moi, ce qui me gonfle personnellement, c'est de voir toutes ces radios qui ont des moyens et qui font toutes les mêmes choses. C'est soit du commercial, soit tout est décidé depuis la capitale à Paris. On a droit à Chocolatine, Publi Reportage, on a droit à toujours les mêmes choses, le point trafic, le machin. Alors c'est très bien, mais le problème c'est que c'est partout pareil. Et la petite particularité qu'on a en région, partout en France, elle commence à disparaître et ça devient inquiétant. Cher ami, le pire ennemi de la radio ou de la télévision régionale en France. Parce que pour la 3, c'est pareil. C'est Paris. Oui. C'est vrai. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Il fallait rien mettre à Paris, il fallait leur donner. Moi, à la télé, maintenant je peux en parler, j'y suis plus. J'ai eu pendant des années des directeurs qui, certains, aussi sympathiques étaient-ils, étaient des sortes de préfets. Ouais. C'est ouf. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là où il aurait fallu qu'on ait des présidents qui, entre guillemets, auraient pu prendre des décisions, dire voilà, là on prend l'antenne, là on la prend pas, là, on avait des préfets qui étaient sans arrêt obligés de composer avec Paris. Alors, c'était vrai avant l'arrivée de la gauche, ça a changé avec l'arrivée de la gauche, mais le balancier est vite revenu dans l'autre sens. Et voilà, quoi, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est impossible. Ouais. Moi, ce que je comprends dans cette info, c'est que FIP, là-bas, il me semble que c'était une des radios les plus écoutées. Ça marchait vachement bien. Parce que, voilà, comme montre Clément, on peut le voir sur la caméra, c'est toujours des soucis d'argent. Et voilà, c'est tout simplement que du pognon. Hein. Ça leur coûte un pognon de dingue, comme dit notre père de la nation. Mais il y avait encore un... Alors, j'ai besoin d'une remise de la nation. Il y avait encore un FIP à Toulouse ? Là c'est FIP, Bordeaux, Arcachon, Nantes et Strasbourg. Ah voilà, parce Bordeaux, que Arcachon, Nantes et Strasbourg. FIP c'était le ruban musical avec de jolies voix féminines. C'était ça. Hein, ouais, c'était agréable. Ça, ouais. Et il n'y en avait plus à Toulouse dans la région depuis longtemps. Non. Bah, Toulouse, okay. non, effectivement. Voilà. Heureusement qu'on a les associatives. Oui, Mélanie. Après Radio France, je pense qu'ils se disent que le côté local c'est France Bleu, quoi. Oui. Ils misent tout là-dessus. Et ils font très bien le job en plus. Mais moi, ça me désole de voir toujours ces autres radios de Radio France qui dégagent. C'est pénible, quoi. Et puis, c'est bien d'avoir une variété de radios, même dans un même style, d'avoir différents points de vue, façon d'aborder les choses. C'est dommage de perdre ça, de tout concentrer sur une même radio. Mm-hmm. Bah, surtout FIP, ça a vu beaucoup de talent. Oui, Clément. Je me rappelle par exemple d'amis à nous là, qui travaillaient sur la station France Bleu Périgord, qui est basée à Périgueux, donc Martial Perroni pour ne pas le nommer, qui a eu toutes les difficultés du monde pour sa propre émission, Métatsem et Taporc. Il a une émission, un magazine donc, qui est diffusé tous les dimanches. Donc, c'est très écouté en plus. C'est très écouté. Un énorme succès là-bas. Et il a eu toutes les peines du monde à obtenir, je veux dire, qu'il y ait de la musique occitane dans la playlist de la station Périgord, parce que Paris avait dit non. Voilà, c'est tout l'absurde complet. C'est complètement con. Je rappelle juste que Paris, depuis ici exactement, c'est 678 300 km. Voilà, soit 6h39 de voiture depuis l'A20. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ils sont vachement loin pour décider pour nous. Voilà, et ça devient un petit peu pénible. Un jour, ils vont se prendre tous les auditeurs dans la tronche. Ouais, je vais faire l'info trafic. On est quoi? On est jeudi aujourd'hui, ça doit bien rouler normalement, je pense. Et un dernier coup de cœur. Mais oui, un coup de cœur. Un coup de cœur. Il faut de l'amour. On finit avec de l'amour. Oui, il faut du bonheur, il faut de la joie. Merci, Ginger. Moi, j'ai découvert un groupe il n'y a pas longtemps. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et je vous en parle parce qu'ils sortent un album, parce qu'ils jouent bientôt. Et j'aimerais vous faire écouter. Alors, le groupe, ça s'appelle Dickie Jones and the Panther Gods. Oui, moi, j'ai un super accent aussi, comme Alex. Si tu les connais pas encore, tu vas me dire, mais c'est qui ce groupe? Vas-y, dis-le. C'est pas la raclette. Dis-le. C'est pas mais la non, mais c'est pas qui ça. Ce groupe? Alors, si c'est pas la raclette, mais c'est qui ce groupe? Eh bah, ben, c'est un groupe toulousain. Il orgne autant sur la pop des Beatles que sur le rock des Who, le groupe de Jamiroquai ou l'énergie de Rage Against the Machine. C'est un gros mélange de genres et ça déchire. On écoute ou... Eh ben on écoute, oui. C'est parti. On écoute. Et voilà, c'est le deuxième album, il y a 13 titres, ça s'appelle Hide and Seek. Yes. Ça promet. Seek. C'est américain. Ils sont... Oui, bah, ça va. Ah non, mais... Ça veut dire quoi, d'ailleurs? I love Seek. Mais bien entendu, tout à fait. Exactement. Merci, Alex, ça veut dire cache-cache. Ouais. Et du coup, ils sont samedi aux Connexions pour la sortie de leur album. Il y aura une section cuivre avec eux pour l'occasion. Mm-hmm. Et en première partie, il y aura Mandarine, c'est un groupe de hip-hop. Ça marche. Eh ben, et voilà, c'est 4€ l'entrée, c'est à 19h30, c'est aux Connexions. C'est pas cher en plus. On y va. Super, très bon endroit le Connexion. C'est où le Connexion? Coup de cœur, 20 secondes, mon coup de cœur. Je peux dire Ouais. Le petit koala. Le petit koala qui a été sauvé. Oui, il y a une vidéo. On le mettra sur la page de l'émission. Il y a un petit koala qui a été sauvé. Ouais. Alors aujourd'hui, la dame qui l'a sauvé est allée le voir à l'infirmerie. Et bon, ça va, il va bien. Oh, le bébé. Tant qu'il y aura des gens pour sauver des bébés. Il était pris dans les flammes. Oui, c'est en Australie, il était pris dans les flammes, quoi. Puis il était condamné. Voilà. Et une dame est venue et l'a sauvé. La vidéo, ça fait le buzz en ce moment. Mais en même temps, ça fait du bien de voir ça. Vous êtes à l'écoute de Fausse Le Dire, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous aimez Fausse Le Dire à la radio? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et on est en compagnie d'Anthony et Alexis de Plastic Vortex. Rebonsoir. Bonsoir. C'est pas un groupe de rock. C'est pas, ouais, mon début, Plastic Vortex. J'étais un petit peu perdu au début, on va pas se mentir. Mais voilà, et ils sont là avec nous ce soir. 80% de la pollution océanique est issue de la pollution urbaine. Pour répondre à cette problématique, vous avez mis en place un système capable de capter les déchets flottants. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, on insiste sur une, on va dire, sur quelque chose qu'on perçoit pas forcément bien, c'est que les déchets fuitent. Voilà, les déchets fuitent, ils nous échappent, ils passent par les fleuves et ils viennent polluer les berges. Ils viennent se dégrader dans l'écosystème marin et ça empoisonne les poissons. Et en plus, quand ça se dégrade, ça libère du gaz à effet de serre. Voilà la problématique. Donc, il faut les récupérer dans l'eau. Oui. Ouais, mais on va dire avant la mer, avant les océans, parce que c'est beaucoup plus simple de les capter dans les fleuves. Parce qu'en mer ouverte, en océan, on ne se rend pas bien compte des proportions, mais c'est un environnement qui est immense. Et c'est très très difficile de venir les capter, quoi. Donc nous, on a... Voilà. Elle ressemble à quoi, votre machine ? Alors, ça ressemble à une sorte de moulin à déchets flottants. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est fixé de part et d'autre. Ça fait un V pour faire converger les déchets. À l'avant, c'est un bateau ? Alors non, c'est pas un bateau, c'est fixe. Ouais. Ça ressemble à un pédalo, on nous le dit souvent. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. On mettra donc un pédalo avec une sorte de V à l'avant pour attraper tout ce qui passe devant, c'est ça ? Yes, ouais. Ouais, on vient capter les déchets flottants. Mm-hmm. Donc ce qui est intéressant, c'est que la Garonne vient faire tourner les roues à aubes, et donc les déchets convergent. Ils sont remontés par un tapis mécanique, ça finit dans un bac, et le bac, on peut le tirer depuis la berge, et comme ça, on rapatrie les déchets qui allaient fuir dans l'écosystème. Et alors, tout ça, c'est fait avec des déchets ? Ouais. Alors oui, c'est ça. Ouais. C'est fait en partie, on va dire, avec des bouteilles de plastique. Ouais. Ouais, Clément ? Et en fait, qu'est-ce que vous trouvez donc, comme déchets ? Il doit y avoir des choses sur de tout. Des mobilettes ? Une mobilette. Une mobilette, c'est le mois dernier, ouais. Attendez, vous récupérez des choses qui flottent. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? La mobilette, ça flotte pas. On est d'accord, non. Là, c'était pour le coup, on a plongé pour le récupérer. Ah, d'accord. Mais on a trouvé des choses assez intéressantes. Hein. On a beaucoup de ballons de foot, peu de ballons de rugby, je tiens à le dire. De tennis. Non, c'est fini les interviews. On pourra dire qu'ils tirent bien, c'est pour ça qu'ils sont pas dans la Garonne. Ah, bah oui, voilà, ouais, bien dit. C'est vrai. Ouais. Et après, par contre, le tennis. Pas mal de balles de tennis. Ouais. Le golf. Beaucoup de bouteilles de plastique. Bon, continue. Des bouteilles de plastique, des ballons quotidiennes, des ballons, des poupées, du polystyrène, des bouteilles de verre. Et ça vaut prix, quoi. Des mégots de cigarettes, des bouchons, tout ce qui est lié un petit peu. Des sacs, des sachets plastiques. Il y en a encore beaucoup. Ouais. À un moment, il n'y avait que ça, quoi. Non, du coup, depuis que c'est interdit, en fait, on en retrouve beaucoup moins. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'était dans les arbres lors des inondations. On en voit encore sur les arbres. Et alors, comment ils atterrissent là-dedans, tous ces déchets, à votre avis ? Alors, ça, c'est le fameux cycle de l'eau. Oui. C'est-à-dire qu'on va dire que un déchet, quand il n'est pas bien jeté en poubelle, l'eau... Ou posé à côté. Ouais, ou posé à côté, par exemple. Dès qu'il pleut, il y a un effet chasse d'eau. Et ça pousse petit à petit les déchets dans l'écosystème. Ça déborde aussi, tout bêtement. Hein. Nos poubelles débordent, nos ordures débordent, entre guillemets. Ouais, mais bon, ça, c'est propre ou figuré. C'est sûr, c'est clair qu'on consomme, on produit beaucoup trop de déchets, c'est sûr. Après, l'idée qu'on puisse les gérer autrement, ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Et l'idée, c'est que ces déchets, en fait, ils fuitent. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de la pluie qui vient. On a un petit larcène, on est en direct, tout va bien. C'est quoi le pire déchet pour les poissons, pour la mer ? Il n'y a pas vraiment de pire déchet en fait. Tous les plastiques sont au stade moléculaire tous les mêmes presque. Okay. En fait, ils impactent quasiment tous au même niveau. Vous êtes deux, vous ne faites pas la même chose ? Pas exactement. Disons que Alexis, je pense qu'il présentera. Pour ma part, c'est le pôle technique. Ok. On va dire c'est le pôle design global, donc à la fois communication et à la fois coordination du projet. Oui. Mais ça coûte des sous tout ça, il y a des institutions qui... Ouais, est-ce que vous avez été aidé par les organismes ou même l'État pas, c'est quand même pas petit de votre à petit au fur et à mesure. Nous on s'est engagé, nous on s'est engagé dans le projet, ça fait maintenant 2 ans. Et puis pour gagner des sous, faut proposer des choses concrètes, on y arrive de petit à petit. Ça demande du travail, ça demande de créer une relation de confiance avec les pouvoirs publics, avec les mairies. avec les gens, avec les citoyens. Et l'idée, c'est de fédérer un petit peu tout le monde autour de ça. Et c'est ce qu'on fait actuellement. D'ailleurs, on est en campagne de financement participatif. Ouais. Donc, ce qui fait suite à une démarche... on a gagné un premier concours avec 15 000 euros. On a fait un premier prototype qui nous a apporté des résultats, qui nous a permis de dire que ce qu'on fait, ça a du sens, qu'il y a une raison de le faire. Et à partir de ça, on a développé deux nouveaux vortex qui sont en conception. Et donc, il y en a un qui est dévoilé, un qui est encore top secret. Mmh. Et, il ressemble à quoi, celui-là ? Celui-là qui est top secret. Savoir. Un vortex un dessin, top caméra, secret, hein. ça fait science-fiction. C'est pas un V, c'est un W, celui-là. Mais ce qui serait formidable, c'est que tout le monde fasse, enfin que plein de gens fassent comme vous. En c'est France, dingue. Ouais. À partir de votre brevet, à partir ouais. de votre vortex, j'en sais rien. Ouais, parce que là, vous récupérez des cochonneries sur la Garonne, c'est ça, j'ai compris. C'est ça. Voilà. Bah, c'est exactement ce qu'on essaye d'activer, en fait. Ça peut se faire partout où il y a de l'eau. Ouais, où il y a une ville et de l'eau. Ouais, voilà. Donc, généralement, les villes se sont construites autour de fleuves et de rivières. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Bah, ce qu'on essaie de faire, en fait, nous, on s'engage à développer donc, le Vortex 2. Et ce Vortex 2 sera sous licence Creative Commons. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde pourra le faire. Comme un logiciel libre qu'on peut. Voilà, c'est ça, un open source. Un open source, ouais. Alors, longtemps, moi, j'ai cru que les déchets plastiques. Alors, c'était bien, ça flottait. Et en fait, j'ai vu plus récemment des images de déchets plastiques qui étaient entre deux eaux, voire qui pouvaient même tapisser le fond d'une rivière, etc. Alors, ça flotte ou ça flotte pas le plastique ? Bah en fait, faut savoir que la majorité des plastiques coulent. Ça va être leur contenant ça, ou le fait cool, qu'ils soient hermétiques, voilà. Oui, non, parce que tant qu'ils flottaient, on les voyait et ça nous gênait et on disait il faut agir. Mais s'ils commencent à couler et qu'on les voit plus. Eh ben, oh, bah c'est plus dérangeant, on le laisse. Alors. Moi, oui, non, mais bien sûr. Bon, okay. Et c'est pour ça qu'on n'en voit quasiment pas dans l'océan, mais ils sont bien là. Et ils y sont. Moi, j'avais vu un truc, peut-être, je ne sais pas si vous savez, que le pire, je crois, que c'était les paillettes pour les dauphins. Kevin je vois des paillettes. Je vois des paillettes dans ma vie. Ouais. Pardon, voilà, c'était un petit moment. J'ai vu que les paillettes, c'était un drame pour. Lesquelles paillettes qu'on aurait récupéré les paillettes de Kevin. Le plastique qui devient. Bah, disons que maintenant, on met beaucoup le point sur certaines pratiques qu'on faisait avant et qu'on trouvait ça normal, notamment les lâchers de ballons, les paillettes, les confettis. Ah, oui. Et on a notamment, là, depuis quelques années, c'est tous les microplastes qui sont dans les produits de cosmétiques. Mm-hmm. Donc, par exemple, en Angleterre, là, récemment, on les a interdits. Et c'est plein de micro-petites billes, en fait, qu'on compte par millions dans un tube. Et qui ont autant de dégâts qu'une bouteille à côté qui va aussi se dégrader avec le temps. Mmh. Et qu'on les voit encore moins qu'une bouteille, voilà. Évidemment. Bon, bah merci d'avoir niqué l'ambiance. Non, ouais, c'est clair. Les lois évoluent, et c'est ça qui est encourageant. Ouais, c'est évolué. Puis on arrive avec un message positif, c'est-à-dire qu'on peut agir. L'idée, c'est ça, c'est de montrer que tout à chacun peut agir, qu'on peut construire des solutions. Mais on porte un message que la solution se trouve dans le problème, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de nous amener des bouteilles de plastique. Et ces bouteilles de plastique, on a fait des flotteurs. Et ces flotteurs viennent capter d'autres bouteilles de plastique. C'est ainsi qu'on crée un cercle vertueux autour de la pollution plastique. Ouais. L'idée, c'est d'éviter le bouc émissariat et qu'on se dise, allez, c'est foutu, on arrête, on fait rien. Bon, dernière chose, ça n'a rien à voir avec vous. Non, mais pas dernière chose, des déchets. Alors, avant-dernière chose, des déchets plastiques ou des bouteilles, des canettes, il y en a aussi partout au bord des routes, en pleine campagne, quand tu vas marcher un petit peu, etc., profiter de la nature. C'est, enfin, un jour, je le fais régulièrement, un jour, je vais prendre un sac, je vais me le remplir, uniquement à coup des cochonneries. C'est exactement ce qu'il faut faire. On vous engage chaque jour à ramasser une petite canette, une petite chose en plastique et à le remettre dans une poubelle. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Tony, c'est pareil. Au quotidien, on ramasse les petits déchets parce que c'est en faisant ce petit geste-là qu'on va fédérer les gens autour de cette problématique. Ouais. Et pour ceux à qui ça intéresse de le faire en groupe, il y a une association à Toulouse qui s'appelle Zero Waste, qui a ses conséquences et qui organise régulièrement des collectes à 50, 100 personnes. Donc là, on a vraiment des choses efficaces. Et ça fonctionne, hein, parce qu'il y a eu en septembre dernier, le 21 septembre dernier, il y a le World Day Cleanup qui a eu lieu. Et donc ça a mobilisé beaucoup de gens à Toulouse et clairement on a capté beaucoup moins de déchets flottants après cette journée-là. Donc la sensibilisation en amont fonctionne. Ça qui est intéressant aussi, c'est que voilà, je pense qu'on peut agir. Nous, on propose une solution technique aujourd'hui qui est opérationnelle, qui fait suite à un financement participatif. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Internet, le site web, c'est Plastic Vortex. On cherche une amorce de 35 000 euros pour pouvoir créer une solution faite pour les gens, pour pouvoir après la diffuser partout. Donc toutes les associations fédérées autour de la pollution fluviale qui ont envie d'agir, on va leur donner les moyens d'agir rapidement dès 2020. Et en plus, il y a le plan top secret qui arrive, c'est-à-dire qu'on a un super vortex qui va arriver, qui va nous permettre de financer un outil qui sera hyper efficace et qui pourra déployer et apporter une réelle réponse à la ville du futur pour capter, concentrer les déchets qu'elle génère et avoir une vie plus propre. Bravo. Peut-être une dernière question et après on passera aux infos. T'as un peu répondu. Est-ce que t'as l'impression d'être écouté, d'être entendu, que les gens s'intéressent vraiment à cette cause, ou tu sens que c'est un peu compliqué d'aller les chercher? Alors c'est pas forcément la priorité, mais l'énergie globale du changement, elle est présente, elle est dans les esprits de tout le monde, et clairement il y a un truc qui se passe, il y a un momentum à saisir. On peut y aller, il y a des choses à faire, donc nous on est très très très motivés. Les gens généralement à qui on parle, ils sont assez sensibles à ce qu'on propose, et non, clairement on y croit. Bon ben félicitations, on t'offre un gobelet en plastique. Merci, voilà, merci, j'accepte avec plaisir. Je pensais les avoir achetés en carton, mais en tout cas, Alexis, Anthony, merci beaucoup. Plastic Vortex, n'hésitez pas à les suivre un petit peu partout et à les aider parce qu'il y a une collecte. On mettra aussi le lien sur la page Facebook de l'émission et de la radio. Merci énormément. On va passer à la suite. Vous êtes à l'écoute de Fausse le Dire. On est ensemble jusqu'à 20h. Dès 19h, Fausse le Dire reçoit. Que sera de mi vida, que sera Fabien Ordonez. Hermano, Fabien Ordonez. Como estás? Yo muy bien, je le veux. 19h, 20h sur Radio Occitanie. Et Fabien Ordonez sera effectivement avec nous dans quelques petites minutes. Ça va être minutes. Le bazar, je le sens. Mais avant, on retrouve les actualités de la semaine avec, il est impeccable, Guillaume Bonnetier qui est là. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que c'est que ces actus de la semaine? Les actus de la semaine, évidemment, il y en a eu en nombre, mais une actu assez marquante. Un pont s'est effondré au nord de Toulouse, entraînant du coup la chute de deux véhicules et la mort de deux personnes. Ça s'est passé ce lundi à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Le pont s'est effondré ce lundi, justement, aux alentours de 8h, avec une jeune fille de 15 ans qui est morte. Il y a eu plusieurs blessés légers. Le conducteur du camion, lui, a été retrouvé en fin de journée. Le poids lourd était donc un camion avec une charge de plus de 54 tonnes qui, sur cet édifice, était interdit au plus de 19 tonnes. Alors, l'émotion était évidemment immense dans le village d'un millier d'habitants. J'ai ressenti comme un tremblement de terre, témoigne Marie, 45 ans, qui habite à une centaine de mètres du pont. Au début, je ne savais pas ce que c'était. J'ai ressenti quelques secousses et puis, en regardant depuis ma fenêtre qui donne sur le fleuve du Tarn, j'ai vu l'horrible dans mes yeux. Le pont était tombé. Un CRS a été lui jugé aujourd'hui à Paris pour des violences contre des gilets jaunes. Un brigadier de la CRS 27 basé à Rangueil, il est accusé d'avoir jeté un pavé en direction des manifestants le 1er mai. Le policier évoque un geste de panique pour tenter de protéger un collègue blessé. C'est le premier procès d'un membre des forces de l'ordre sur plus de 200 enquêtes à Paris de la police des polices. L'agent a donc requis 3 mois de prison avec sursis. 9 ans de prison pour Anne-Diane Klein, la sœur des djihadistes toulousains Fabien et Jean-Michel Klein. Elle comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir tenté de rejoindre ses frères en Syrie au sein de l'État islamique. 6 communes de Haute-Garonne labellisées Terre de Jeux 2024 par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La liste des 500 premières villes a été justement dévoilée hier et parmi elles, Haute-Rive, Tournefeuille, Plaisance-du-Touche ou encore Colomiers. Concrètement, ces collectivités doivent s'engager à développer des actions pour promouvoir le sport et les jeux. Ce label leur permet aussi de candidater pour devenir centre de préparation aux jeux et donc accueillir des délégations étrangères. Et c'est officiel, Toulouse accueillera la 9e cour administrative d'appel de France à la fin de l'année 2021. Décision de la garde des Sceaux Nicole Belloubet hier. La Ville Rose était en concurrence avec Montpellier pour accueillir cette nouvelle juridiction. C'est finalement l'hôtel de l'Estang qui a été choisi. Et puis on va parler un petit peu du marché Noël qui revient bien évidemment sur la place du Capitole avec ses animations. Le marché Noël qui sera en place dès le vendredi 22 novembre 2019. On aura de nombreuses animations. Et puis enfin, on va tourner un petit peu côté musique. C'était jeudi dernier. Les Toulousains Big Flo et Oli viennent de dévoiler jeudi dernier leur nouveau clip Bienvenue chez moi qui rend hommage à de nombreuses villes dont Toulouse. Dans ce titre, parmi les plus populaires de leur troisième album, les rappeurs qui ont déjà vendu plus d'un million d'albums depuis le début de leur carrière réalisent un véritable tour de France. On voulait avec cette chanson rendre hommage à toutes les villes dans lesquelles on est passé. On a tenu à aller vraiment dans chaque endroit qu'on cite, précise les frangins sur les réseaux sociaux. On les retrouve posant au pied de la basilique Saint-Sernin, leur quartier préféré, pour Florian, ou le Capitole avec un maillot du TFC et du Stade Toulousain, ou encore sur la pelouse du Stadium qu'ils ont rempli 2 fois en mai dernier. Big Flo et Oli chantent sombrement leur amour pour la Ville Rose. l'on vient d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça. Ah, ah. Merci beaucoup, Guillaume Panetier. Hein. Et vous êtes à l'écoute de Fausse Le Dire. On est ensemble jusqu'à 20h. Il est 19h tout pile. Dès 19h, Fausse Le Dire reçoit. Que sera de mi vida, que sera. Fabien Ordonez. Fabien Ordonez. Como estás? On sait. 19h, 20h sur Radio Occitanie. A veces pienso me hubiera gustado hacer una vida normal, como la tuya, como la de Pedro, o la de Juan. Que se quede el infinito sin estrellas, que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte des deux cœurs. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. El recuerdo es más fuerte para que en mi mente viva. Pa, pa, pa, pa. Bon, eh bien, vous l'aurez deviné, avec nous ce soir, Fabien Ordonez, qui est là dans le studio de Fausse Le Dire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pile à l'heure en plus, hein. Il avait dit 7h, à 7h, il est arrivé. 7h. Moi, je suis. Il n'y a même pas le cas de Toulousain, quoi. C'est pas le cas de mes fils, mais moi, je suis très. Ça commence. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes plutôt pain au chocolat ou chocolatine, si vous êtes plutôt rugby à 13 ou plutôt à 15, si vous aimez les bords de Garonne ou encore Big Flo Oli. Je vais tout simplement vous parler, on va parler de vous, de ce que vous faites, de l'album bien. Que vous venez de sortir. Ça tombe plutôt pas trop mal. Vous venez d'un petit village argentin. Oui. Il y avait des chevaux. Vous étiez le chouchou du village. À la Pampa. Heureux jusqu'au moment du départ. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, mais c'est exprès ici, on lance la mauvaise chanson. C'est pas celle-là? Non, c'est pas du tout ça. Interview 1 tout en bas du cartouchier, Anaël. Mais c'est pas grave, Anaël, ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave. Merci. Ah bon, voilà. C'est ça. Hola hermano, ¿cómo estás? Yo muy bien, ya lo ve. Solamente un poco cansado de correr. Après quelques années à Marseille, un ami mexicain avec qui vous avez fait la manche vous téléphone. On est en répétition. C'est pas celle-là. Non, c'est carrément pas celle-là, c'est vrai. Non, c'est Autoloose, interview 2. Ah là là, c'est, on mais est en pleine répétition. On est en direct, arriver, vous voyez, on a des moyens. On se croirait à la télé régionale, des fois. C'est pas, oui, c'est clair, c'est clair. Tu es nouveau, toi, non là, c'est Autoloose, Anaël, s'il te plaît. C'est un bizutage. 03, en bas du cartouche. C'est très bien, c'est, ouais, ça change. Voilà, c'est un petit bizutage, on s'est dit qu'on allait commencer comme ça. Ben, bien sûr, voilà, c'est ça là. C'est bon. Eh bon. Ouais. Non, non, mais en réalité, c'est. Ouais. Il est qu'il est loin, mon pays. Ah, oui. Qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi. Donc voilà, et là, vous arrivez à Toulouse. Et là, c'est ça. Et alors? Mais voilà, en fait, pour l'histoire, c'est rigolo que ce soit un Mexicain qui m'a fait venir à Toulouse, quoi. Je jouais la guitare avec lui avant à Marseille, et après je l'avais perdu de vue, et voilà, comme je le dis dans l'album, une fois il m'appelle et me dit, voilà, je suis dans une ville superbe, il y a des boulots, il y a des travaux, il y a des latinos, il y a des espagnols, et voilà, je lui dis comment il s'appelle, c'est Toulouse, et je suis arrivé à Toulouse, et puis je l'ai adopté. Voilà, l'histoire. Qu'est-ce qui vous a... plus, parce que vous l'expliquez dans l'album un petit peu, mais c'est comme... pourquoi il vous a fait venir. Oui, mais bien sûr, mais c'est ce qui m'a plu, c'est déjà l'ambiance, l'ambiance un peu espagnole qu'il y a à la ville, et surtout Oui, c'était un peu ça. Et ça m'a plu parce que c'est tout en étant une grande ville, ça reste toujours quand même un village, quoi. On peut se déplacer très facilement et oui. C'est très bien. Ça n'a pas trop changé depuis ? Oui, ça vous plaît trop. Ça a un peu changé. La rocade surtout. Un petit peu. Mais c'est vrai que. Mais même maintenant, je vais souvent. Je fais des placements à Paris et c'est l'enfer là-bas, comparé à Toulouse. Ici, on peut aller de. Moi, j'habite côté de la barrière de Paris, on peut aller jusqu'au centre-ville et revenir en 10 minutes. Ouais. Et faire ça à Paris, ça te prend 2 heures. Oui, en même temps, si vous voulez avoir la paix, il ne fallait pas faire un 10. Hein. Voilà. C'est voulu, ça. Tu l'as eu. C'est ça, mais moi c'était pas dans mon projet. Ils me l'ont fait faire, mes fils, mais moi, c'était pas dans mes projets faire un disque. Mais je suis très content quand même. Ensuite, eh bien, vous êtes resté clandestin pendant des années, vous pensiez tout abandonner. Mais un jour, une rencontre. La rencontre. Oui. Une histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte des deux cœurs. Un roman comme tant d'autres, qui pourrait être les vôtres, gens d'ici ou bien d'ailleurs. Eh oui, une rencontre. Mais voilà, mais quand je pensais partir, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Mm-hmm. On est divorcés depuis, mais bon, c'est pas grave. Et donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé, quoi. Mm-hmm. Et mon histoire d'amour avec Toulouse. Justement, la famille, rien de plus important, à la suite de votre rencontre amoureuse, de beaux cadeaux. Papa, papa. Non, mais je ne vais même pas vous demander. Vous êtes le plus heureux à ce moment-là. Oui. Non, mais en plus, pour l'histoire, c'est. Ouais. Ça fait 2 ans pour mon anniversaire. C'était mon cadeau anniversaire, cette chanson. On était allé manger quelque part. Ils m'ont dit, bon, viens avec nous. On est allé au studio. Ils m'ont dit, voilà ton cadeau anniversaire. Et c'était cette chanson. Et on n'aura jamais cru que ça allait toucher autant de personnes, mm-hmm. cette chanson, parce qu'il est très personnel, en fait, pour moi. Et en fait, ça a touché plein de parents et plein de fils et plein de gens qui ont perdu leur papa ou qui étaient fâchés, ils se sont rencontrés grâce à cette chanson. C'est énorme. Et c'est un peu c'est grâce à cette chanson qu'on a décidé de faire l'album, parce que les gens, il y avait une demande dans les fans, les gens, pour savoir où c'est qu'ils pouvaient m'écouter et tout ça. Et comme je n'avais pas d'album, mais voilà, on l'a fait. Vous avez joué partout, beaucoup de scènes. Oui, à Toulouse, beaucoup, dans la région, ouais. Et justement, on écoute quelque chose. On a une petite surprise pour vous. qui est là dans le studio. Eh oui, le barrio latino, bien évidemment. Alors, qui vient d'entrer dans le studio? Eh bien, c'est une grande amie, Gabi. Ouais. On peut prendre la parole si jamais on peut se partager. Un des clients les plus fidèles du barrio latino et qui est musicien lui-même. Voilà. Bonsoir. On vous fait parler du coup. Hein. Et vous êtes là. Chevelure bouclée. Attention, vous pouvez voir sur la vidéo. Ça va, Fabien? Mais ça va très bien. Justement, c'est incroyable. On parle de barrio latino et tu vas parler. C'est quoi votre histoire à tous les deux? Non, ça veut dire que lui, c'était bien né au barrio. C'est vrai, c'était un des clients les plus fidèles. C'était un très bon client. Et en plus, je sais pas si c'est là que tu as connu la salsa, je crois. Voilà. Et c'est à partir de là, après il a joué la salsa, il est devenu musicien un peu, mais quand même. Et c'est un très bon danseur de salsa. Ah, ça c'est bien, parce que parmi les Français, on n'est pas nombreux à savoir danser la salsa. Il y en a pas mal quand même. Ça y est, on fera de plus en plus. Ouais. On fera des petits tutos salsa pour la chaîne YouTube de l'émission. Voilà, on essaiera ça. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Vous n'êtes pas venu seul ce soir. Non. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Présente-toi. Bon, je m'appelle Alejandro, je suis musicien, le producteur, réalisateur de, de cet album. Ouais. Et avec Fabien, on joue ensemble depuis... Ça fait longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai longtemps. Alejandro Riquelme, il est, oui, c'est surtout le réalisateur de l'album. On l'a travaillé ensemble. Et puis maintenant, il m'accompagne, va m'accompagner dans toutes les dates qu'on a. Comment ça s'est passé pour l'album ? Vous aviez trop de chansons au début ? En général, il faut choisir. C'était difficile. Il faut éliminer. Ouais, c'était difficile parce qu'on avait beaucoup le répertoire. Là. Mais bon, l'idée, ça s'est passé. Bon, déjà, on va partir de l'idée. L'idée, c'était de faire. Mes fils m'ont demandé de faire un album, comme quand je sortais la guitare à la fin du repas avec les copains ou en famille, et chanter les chansons que j'ai toujours chantées depuis que je suis parti de l'Argentine. Ça commence par eux, c'est eux qui... Voilà, c'est le départ, ouais, c'était ça. L'idée, c'était eux. Mais, c'est eux les producteurs, donc c'est mes fils qui sont devenus mes patrons, quoi, si tu veux. C'est rare, hein. C'est rare. En principe, c'est le père qui est pas... Mais non, mais moi, j'ai mes fils comme patron. Et là, l'idée, c'était ça, et après... On a fait le un peu avec Alejandro, on a fait les choix des chansons bien sûr et tout, et puis on les a travaillé, après en les écoutant on a dit non, c'est beau mieux ça que c'est là. Puis après a surgi l'idée de faire des chansons en français parce qu'ils aimaient bien mon accent, et donc ça serait bien que tu chantes un ou deux, et puis du coup on a fait trois en français. Et voilà, c'est parti comme ça, cet album. Et le choix du français, on avait la semaine dernière Sidi Larsen, c'est un groupe de métal. Un groupe de métalleux toulousain. Et il disait que c'est courageux de chanter en français et que c'est pas vrai, du tout pareil que c'est de chanter dans une langue moins connue, parce qu'on est obligé d'assumer. Oui, c'est vrai que. Mais surtout pour moi, parce que moi, avec l'accent que j'ai. Mais vous n'avez pas d'accent. Non, à peine. Mais je le garde parce que c'est, tout le monde me dit que j'ai un accent charmant. C'est le seul charme que j'ai, donc je le garde. Ouais. Et non, mais c'est vrai que je tenais beaucoup à chanter en français, parce que déjà pour rendre hommage à la France et surtout à Toulouse. Et Toulouse, c'était une chanson qui tenait beaucoup à Olivio, que je la chante. Je l'avais déjà fait en salsa, en espagnol, avec mon groupe Fabien y su salsa. Et là, je voulais faire une autre chose. On a cherché avec Alejandro et tout, et ça m'est venu l'idée de le faire en flamenco, tout simplement parce que Toulouse et le flamenco, ça va un peu ensemble, hein, avec le corne. Toulouse, ça va avec tout. Oui, c'est fou. Le corne de l'Espagne qui pousse en toi. Donc, je pensais de suite à la faire en flamenco, et donc je pensais à Sergio López, qui est un magnifique guitariste, et je l'ai appelé de suite. Il est venu le lendemain, et ça a sorti d'un coup. On a même pas fait de répète, et on a fait trois prises et on l'a enregistré. C'est pas vrai, monsieur le réalisateur? Ah. Ouais, ça s'est bien passé. C'est pas trop dur de bosser ensemble, tout non, va bien. Non, je pense que le plus dur c'était de me supporter. Bah, c'était ça. C'était ça ma question. Non, de comment adapter les morceaux, parce qu'il y a beaucoup de reprises. Donc comment faire pour bien faire et pour pas tomber dans la pour choisir quelque chose d'original, de différent, quoi. Justement, on va écouter à quoi ça ressemble avec Hola Hermano, et ensuite il y aura d'autres surprises ce soir. Solamente un poco cansado de correr. Hola Hermano de Fabien Hernandez, qui était avec nous ce soir dans l'émission Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à 20h. On va se mettre un petit jingle. 18h, 20h, c'est Faut se le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi. Il y a deux personnes qui sont là ce soir exprès pour vous, qui m'ont dit, dès qu'ils ont vu, qui m'ont dit on vient. Et alors attention, hein, là voilà, là on trouve. Et qu'est-ce qu'ils font? Oula. En général, quand il arrive, il éteint la lumière. Voilà. Oui, là non, bonjour, là ça monsieur. Va pour le coup. Bonjour monsieur, voilà. Madame, bonjour. Oh, monsieur. Voilà. On a travaillé ensemble. Ça vient, ça. Attention, il y a des camions un peu partout. C'est le bien une manifestation. Ouais, non, oui, alors c'est. Ça aurait pu, quand ouais. C'est une manifestation. C'est pas loin de si peu. Ouais. Sur notre acte en direct. Messieurs. Voilà, on est en pleine distribution de. Ça ressemble au truc qui est dans la CGT, tu sais. Voilà. Vous les reconnaissez. On se retrouve le 20, le 21, le 22. Ouais. Ils n'ont encore rien dit. Hein. On les retrouve de dos, ces deux-là. C'est le duo des noms qui est avec nous. C'est le duo des noms qui est avec nous. Bonsoir. Il y avait les pompiers tout à l'heure. Il y avait les pompiers tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont vu le plan d'évacuation de la salle? Est-ce qu'ils ont... On est quand même 62 dans 12 mètres carrés, c'est pas prudent. Bon, on va peut-être s'en aller maintenant que vous êtes arrivés. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, il n'y a plus assez de micros, je ne sais pas. Ça fait plaisir. Comment alors, allez-vous? Ben, voilà. Mais ça va très bien, ça fait plaisir de vous voir parce que je crois que vous avez fait une émission avec mes fils à, oui au Gigot, oui, c'est ça? Oui, ça nous a fait et d'autant plus plaisir qu'en plus ils connaissaient. Donc il a dit ça parce que. Voilà, quand, je te raconte l'histoire. Quand je les attendais qu'ils finissent leur cours de théâtre, il y avait un de deux qui faisait du théâtre et j'attendais avec Florian, je crois, dans la voiture et on écoutait tout le temps votre émission. Une radio concurrente. C'est gentil. Il n'y a pas de concurrence. Non, à Sud Radio, non, je me rappelle, on écoutait tous les soirs le duo de noms. C'est comme ça qu'on vous connaît et on a beaucoup rigolé grâce à vous. Mais c'est je suis fini, très content. On ne rigole plus. Hein. Non, c'est vrai. Ah, c'est dramatique maintenant. Il ne marche absolument pas ce casque. Donc, non. Ah, voilà. Il n'est pas branché, c'est normal. Non, il est pas... D'accord. Je ne peux pas le brancher. Et non, ouais. Maintenant, ça ne déconne plus. Non. Pas comme les casques. Pas comme les casques. Comme ça? Non, ça marche. On est en direct. Non, on fait quelques essais en direct, ça sera coupé. C'est pas mieux, c'est du vieux matériel qu'ils ont racheté à une radio ouais associative moldave. Ah, oui. Ça marche. Exact. Ça marche pas bien. Toi, tu te portes ton casque alors. Débrouille-toi avec c'est un casque que t'as piqué et faire trois limoges. C'est pas et ça y est. Je voulais pas que tu viennes. Ben voilà. C'est quoi le duo des noms? Non, surtout pas. Ça au début et puis après, ça va mieux. Et donc, ah, c'est mieux là. Alors, c'est mieux là. Ah, ouais. Tout le voilà monde s'entend bien. Non. Voilà. Fabien Denis, est-ce qu'il est avec nous? Le duo des noms qui est avec nous. C'est le plateau est incroyable ce soir. Je suis très fier de tous vous avoir parce que ça nous fait merci vraiment, vraiment, là, vraiment. Il y a de la vraiment monnaie là. Là, là, là, on a tout lâché quoi. Ça pèse, on a tout lâché. Ah, c'est lourd. Ouais. On est rentré dans. Je crois qu'on est dans le game. On est des. En plus, on est des vieux de la vieille de Toulouse. Merci pour moi, c'est sympa. Non, je parlais, je regardais Lucas quand j'ai dit ça. J'ai vu. Il y a Pierre à côté. Moi j'étais content, je l'ai dit enfin un invité. Quand on a commencé. Voilà, c'est vrai ou non? C'est que je lui dis, oui. Mais ça dirait. Vos enfants vous écoutaient en sortant et elle dans le car, dans le bus. Et oui, dans le bus, j'étais partait quand même un peu grande déjà. Oui. Ah, oui, voilà. Bah oui. Un oui peu mais pas trop. Pas trop. Ah. Mais j'ai pas grandi depuis non plus. Ouais. Et par rapport à notre papa à tous, monsieur Nicolas. Ah, ah Nicolas, oui. Oui, oui. J'ai enfin trouvé ma place. Ah, bah oui. On est des adolescents. Nicolas, on l'a beaucoup vu à la télé. On l'a beaucoup subi, oui. Oui. Oh là là, ça a duré longtemps. C'était très et bien. Il vous a déjà invité quand il faisait la télé? Jamais. Moi non plus. Quoi? Ah, c'est vrai? Ah non, mais c'est un incroyable. Ah, c'est incroyable. Là, il fait le malin. Là. Non, fait... non, mais invité... le mec gentil. Il a invité que des gens de Paris. Voilà. Oui. Je ne sais pas si tu as compris. C'est FR3, ça. Voilà. C'est jamais FR3, oui. C'est des Paris. On a parlé tout à l'heure avec la disparition de FIP. Ouais, FIP qui... Fabien, justement, FIP qui disparaît. Là, on va prendre les ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est ouais pas possible. Je crois pas. Mais c'est pas la première fois, je crois. Ça a déjà arrivé, je crois, qu'il était menacé cette radio. Et c'est dommage. Nous, dans notre milieu de musiciens, quoi, on écoute tout le monde écoute beaucoup cette radio. Il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de musique. Oui, oui, oui, il y a des musiques du monde. Selon les qui s'adaptent en plus aux heures de la journée, c'est vraiment extrêmement travaillé. En plus, c'est la seule qui pouvait passer mon disque. C'est très large, c'est ça. C'est ça. La seule radio qui ne passe pas ni Vianney ni Maître Gibbs. Voilà. C'est vrai. Vous les connaissez. Non, mais vous les connaissez. C'était la seule radio où on pouvait passer mon disque et il va fermer. C'est pas juste. C'est un signe. C'est un signe, il faut que j'arrête. Il faut en continuer. Parlant de ça, qu'est-ce qu'ils ont dit à Paris de votre disque, de votre musique? Mais moi, j'étais très content avec l'accueil qui m'a fait la maison des disques, ouais, Polydor, parce que il bon, est mort là récemment. Polydor, oui, il a fait toujours deuxième, comme moi. Vous arrivez quelque part, il meurt. Mais ça ne me regarde pas, mais bon. Et en fait, non, mais c'était super parce que bon, on pouvait croire qu'il le faisait pour faire plaisir aux garçons et puis c'est tout quoi. Mais ils se sont vachement investis, ils sont investis dans les projets, ils sont écoutés mes idées, et là ils font beaucoup pour que les disques marchent, même si c'est très difficile maintenant dans les marchés du disque. On est presque à la fin du on va assister à la fin du disque, à la mort du disque. Quoi, moi j'adore le vote, je l'ai entièrement téléchargé. Hein. Ah mais merci. Mais le télécharger c'est énorme. Craqué. Là on ouais. a ah oui, ouais, on s'entend. Mais oui. Et légalement, tu veux dire. Bah justement non, il l'a pas payé merde, légalement. Non, c'est pas ça. Vrai. Oh là là. Ah. Ah, la blague. Non, mais c'est bien. Déjà de l'écouter, c'est déjà pour moi énorme. Je crois qu'il y a Ginger qui va venir s'asseoir ici. Je suis en train de tout casser parce que Pierre. Ah, c'est le moment. C'est le moment. Je crois que c'est le moment où on fait un petit peu. Vous faites un petit peu le con. Il faut que j'explique, Fabian. Je vais c'est vous donner... un peu le bordel ici. Hein. Oui, c'est un peu c'est complètement le bordel. On est en plein dedans. Faites un peu de place devant vous. Je vais vous donner un papier. Ah. Oui. C'est un texte de quelque chose qu'on a écrit. Ça raconte les aventures de la famille Big Flo et Oli, mais au quotidien, quand ils ne sont pas surveillés par des caméras. La famille Ordonez, quoi. Donc, la famille Ordonez. Il a dit on a écrit, mais moi je tiens à remettre toutes les responsabilités sur lui. Qui c'est qui l'a écrit alors ? Sachant que c'est le tâche de l'émission, il faut savoir. Ça va me retomber dessus. Bref, vous avez votre texte. Oui. Ce que vous allez dire. Ah, il est grand, c'est bien. Ce que vous allez dire. C'est l'émission de jeunes. Vous avez passé à mes 60 ans, c'est bien. Ginger, alors, le papa, ce sera vous, évidemment. La maman, ce sera Ginger. Et moi, je fais quoi ? Ginger. Et Big Flo. Et toi, tu peux faire. Les fils, tu fais. Je fais le fils. Tu viens à côté de moi. Ah, il faut venir à côté. Ben, alors, Jean-Loup se déplace. Moi, c'est Fabien, c'est ça. Moi, c'est Fabien. Un déplacement. Parce que là, c'est bon. Ça, moi c'est Fabien, ça change rien. C'est bien. On va essayer. C'est ça. Je joue aucun rôle. On va essayer. Attention, on va avoir des pertes, des fracas. De toute cascades. Façon, on va te le pourrir ton truc. On va foutre le bordel ici. Ça commence par Big Flo. On y va, 3, 4. Papa, t'as une minute. Oh, mais je suis en ligne avec les solutions à 1€. Oui, quoi, Big Flo? Papa, je peux avoir un scooter? Non, on a déjà parlé. Pas avant que tu aies 900 000 followers au Snapchat. Là, tu en as même pas 500. Oui, mais petit 500 000 quand même, mais si. Et puis tous mes copains ont un scooter. Écoute, si tu as veux, je peux te donner ma mobilette bleue. Elle est au fond de la cabane du jardin. Mais il faut que ta mère soit d'accord. Ah bah alors là, pas question. Hein. Déjà, ma Game Boy, tu me l'as piqué des journées entières. Pas question pour le scooter. D'ailleurs, regarde où ça a mené François Hollande. Hé, hey, papa, c'est qui François Hollande? Oh, l'autre, comment ils t'ont trop cassé les vieux. Tu fais trop pitié. Bon, Oli, arrête de te moquer de ton frère. Pense plutôt à reboucher le dentifrice après t'en servir et va éteindre la lumière dans la chambre. C'est pas à Versailles ici. Bon, reprenons. Vous avez écrit une slam pour moi, c'est pour Radio Occitane. Ça tombe bien, je suis invité ce soir. Oula, l'autre Occitane, il a la radio des ancêtres. Son con, la mise en abîme. Alors, on est dedans là. Qu'est-ce que je joue bien, c'est incroyable. Pourquoi pas FR3 tant qu'on y est. Et puis d'abord, on fait pas du slam, on est des rappeurs. Ouais, bon, vous savez bien, une rédaction là pour votre père, comme vous faites d'habitude avec des yo partout pour la fête des mères. Rappelez-vous le poème que vous aviez écrit il y a 10 ans. Maman, t'es la plus bonne du monde. Tous les copains disent que t'es une vraie bombe. Quand tu prépares des popiettes, nous on trouve ça chouette. C'est tout mignon. Oh, arrête, maman, c'est loin tout ça. Et puis on était jeunes, maintenant on est vieux. Bon, pour papa, on a pensé, il pourrait dire à Radio Occitanie un truc sur le rap. À fromage. Oui. À fromage. Rap à fromage. Vous me saoulez. On avance pas. Et si je laisse un truc genre bien. Non, on a déjà fait une chanson. Ah bon. Et alors la sortie de mon disque, les tracks alors. Déjà fait. Un truc sous mes fils. Déjà fait, on l'a même appelé papa. Merde. Bon, j'ai un projet de composition avec Stromae. Où tu es papa. Je pourrais en parler. Ouais, bah renseigne-toi, on l'a fait il y a deux ans. Bon, j'abandonne. J'improviserai. N'oublie pas qu'après, on sort ce soir avec votre mère, c'est pas vrai? Oui! On va voir La Reine des Neiges 2. Je vous souhaite bon courage pour le début, pour le débat sur Arte. C'était quoi déjà les thèmes? L'apocalypse du rap. Et avant de partir, n'oubliez pas de faire la vaisselle ce soir. Je suis pas là-bas. Plus, hein. Ouah, comment il a pris la grosse tête, le vieux. Attends, ton deuxième album, on va te l'arranger, le Gloria Lasso Toulousain. Ah, oh, bravo, bravo, bravo, bravo. Ça, c'est du texte. Il y a du texte, il y a du sous-texte. Ah, ouais. Le sous-texte, c'était... Il y a eu quelques arrangements. Il a été bon. Ah, ouais. Vous m'inviterez le deux. Avec plaisir. Ah, bon. C'était magnifique. Avec plaisir. Vous allez faire de la scène ensemble. Ah, bah, voilà. Ah oui. Ouais. Ah bah, tiens. Une victoire et un César de suite. Ouais, allez, c'est parti. Je crois qu'on a une personne par téléphone. On me fait signe que nous avons une personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qui vous êtes? On ne s'est pas présenté. Je vous écoute. Bon. Que voulez-vous? Moi, je voudrais parler, si c'est possible, avec Monsieur Fabien Ordóñez. Ah bah oui, bah il est là, justement. Vous avez une question pour lui. Je crois reconnaître cette voix, moi. Allez-y. Pardon? Je crois que je te connais. Ah, tu me connais. Bon, alors. Alors, il est là. Je vais commencer à parler avec lui. Oui, je t'entends. Oui. Dépêche-toi, maman. Bon. Bonsoir, Fabien Ordóñez. Bonsoir, tu as le même accent que moi. Ah oui, oui, c'est pour ça, ça sera facile. Ce soir, on n'aura pas à dire pardon pour mon accent de là. Non, c'est magnifique. Tu as un magnifique accent. Vas-y, on y va. Comme le tien. Oui. Bon, avant tout, je voulais vous féliciter pour votre album. Merci beaucoup. Vous dire que je ne vous connais pas pour votre fille, sinon que je connais votre fille pour vous. Ah, super, pour une fois, ça tombe génial. Bien. Et bon, et j'aurais beaucoup de questions à vous faire, mais oui. En fait, j'ai choisi deux. J'ai choisi deux pour vous faire. Ah, mais c'est qu'une seule, en fait. C'est vite fait. Alors, la première question. Oui. En regardant votre histoire, j'ai pensé beaucoup à Carlos Gardel. Ah, oui. Vous pouvez rigoler. Non, pour ceux qui nous écoutent, Carlos Gardel, c'est lui qui a révolutionné les tangos dans le monde. On dans pas... le 12e, ouais. Oui, oui, oui, oui, c'est ça, il est né à Toulouse. Bon, alors, j'ai pensé. Oui, par rapport à Carlos. C'est vrai qu'on on entend très très mal la conversation. Le téléphone. Est-ce que vous captez bien? Déplacez-vous peut-être. Et quelles sont vos questions justement pour Fabien ce soir? Oui, oui. Bon, la question, c'est lui dit que j'ai pensé à lui et Carlos Gardel. Il était Carlos Gardel était né à Toulouse. Oui. Il a conquis l'Argentine. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes né en Argentine. Et vous êtes en train de conquérir la France. Ah, voilà. Voilà. Mais c'est très... Avez-vous pensé à lui quand vous êtes arrivé à Toulouse? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tout le monde m'a parlé de lui. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y a même un titre de journal de La Dépêche qui avait marqué Les fils de Carlos Gardel. Déjà à l'époque, quand je chantais. Un peu partout avec mon orchestre salsa, donc oui j'ai toujours pensé à Carlos Gardel. Pour nous les Argentins, c'est quelqu'un de très important. Oui, je pense que pour les Français aussi, donc il est né en France, mais bon. Oui, il est né à Toulouse. Oui, il est né à Toulouse. Oui, et vous êtes arrivé à Toulouse, c'est vrai. Et alors moi je crois que comme lui il a arrivé très bien en Argentine. Oui. Que vous êtes en train de conquérir la France. Alors, je vais conquérir la France. Ouais, quelle est votre question? Votre autre question, peut-être. Non, vous avez une. Non, mais oui, on t'écoute. La deuxième question, c'est si vous pensez promotionner votre album en Argentine et si préparez-vous un deuxième album. Bonne question. Voilà. Oui, vous allez faire très bonne question. En Argentine. Merci. Non, pour l'instant, c'est pas prévu pour l'instant, mais en tout cas, je vais aller exprès dans ma province, dans mon village, pour faire un concert là-bas, mais c'est pas prévu encore la sortie de mon album en Amérique du Sud, mais pourquoi pas. C'est une grande maison, Universal, donc je perds pas d'espoir. Oui, non, c'est sûr. Ben, merci. Merci. Comment beaucoup. Tu t'appelles? Je crois, c'est bonbon la pluie, parce qu'en fait le réseau était tellement. Mais merci beaucoup à n'importe quoi, comment tu t'appelles. Et tu avais un accent magnifique. Bonne soirée. Et merci pour tes questions. Voilà. Voilà, un autre téléphone qui marche un petit peu mieux, bien évidemment. Plus de pièces. Près de la fenêtre. Bon, voilà, vous êtes à l'écoute de Fausse Le Dire, on est ensemble jusqu'à 20h et on va passer tout de suite à la playlist de Pierre-Nicolas. Ah, 18h, 20h, ah, c'est Fausse Le Dire. Quand même. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. La playlist. Quand même. Je me méfie parce que je planque mes papiers avec celui-là. Alors, je me méfie, d'habitude, je peux raconter ce que je veux. Ici, les invités n'y connaissent absolument rien. Ah, mais là, aujourd'hui, on a des pros avec nous. Alors, la playlist, ça n'a pas été simple pour commencer. La musique latine, bah, ça n'existe pas. Il faudrait dire les musiques latines. Il y a exactement. La jamaïcaine, la colombienne, la bolivienne. C'est un peu comme les bonnes herbes ou les poudres aromatiques venues exactement. De ces pays. Hein. Le choco aussi. Voilà. Et puis chacun sa spécialité. Il faudrait citer Cuba, les Caraïbes, le Brésil. Il y a un truc assez remarquable. C'est que ces musiques, pourtant tellement vivantes, se sont finalement peu mélangées avec la variété européenne ou américaine du Nord. Oui. Voici une tentative timide. J'ai longtemps cherché un. Autour du tango argentin, on est en 1975, le chanteur s'appelle Lewis Ferret, il vient du cinéma et c'est le conjoint depuis toujours de Carole Laure. Voilà, exactement. Oh, tu connais toi. Bah, t'as bien de la chance. You know you've got to pay. The match is fixed, set up already. You're gonna wrestle with a lady. Voilà, Lewis. Il était en avance. Oui, il était en avance. Il était en avance. Ouais, parce que pour 75, faire ça déjà, c'était bien. Ouais. C'était assez gonflé. Si les musiques latines ont globalement peu influencé la variété française, globalement, hein. Il y a Nougaro, il y a. Oui, il y en a. Il y a beaucoup. Manchao, alors lui, c'est son fond de commerce. Et puis il y a l'Espagne, tout à côté. Alors elle, c'est vrai. La musique latine, les musiques latines ont toujours cartonné en Espagne. C'est que fondamentalement, ces musiques latines sont des musiques rythmées et donc dansantes. Or, les Français, on a un peu un balai dans le cul. C'est-à-dire que vous avez le rythme dans le sang, mais un problème de circulation. Voilà, exactement. C'est super bien dit. Il a fallu un coup de tonnerre pour réveiller tout ça. C'est toujours en 1975 le Liber Tango d'Astor Piazzolla. Oui. Un tango nuevo par rapport au tango classico sur lequel Guy Marchand va se jeter comme affamé pour en faire un tube. Ah oui, oui. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que des rimes en eau. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'ai tête dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le sais jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont les roseaux. Moi je suis tango tango, que je plie dans un sanglot. Liber Tango d'Astor Piazzolla, c'est une telle révolution que ça va devenir un hymne électro du début des années 80 avec Grace Jones. Oui. Écoutez bien, parce que tout le monde ne l'a pas forcément remarqué à l'époque, c'est exactement la même mélodie, mais avec un titre différent. Ouais, ouais. Super. Très voilà, bien ça cherché. Préfigure, on peut aussi penser à Gotan Project. Il n'y a pas que le tango en Argentine, on y trouve aussi son ancêtre cubain, c'est la milonga. Qui vient de la contredanse. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Et aussi, j'ai trouvé une rareté sur l'Argentine. Fabian, est-ce que vous connaissez un artiste argentin? Il est mort très jeune, les années 60. Il s'appelait Tanguito et Los Gatos. Vous avez entendu oui, bien sûr. Alors lui, c'est l'inverse. Il a introduit le rock en 1967 dans son pays, l'Argentine. Oui, oui. Los Gatos. Ah, je connais. Ça, c'est vieux, hein? Année, 67. T'es né en combien? 59. Putain. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea ya de irme al lugar que yo más quiera. Voilà, et la balsa, il s'appelle. La balsa, voilà. Et vous, alors vous chantiez les paroles comme si vous l'aviez entendu hier. Ah, mais c'est un peu un hymne pour nous. C'était les premières chansons rock qu'on écoutait. Moi, j'avais 8 ans, mais ça durait. Et même maintenant, je crois que ça s'écoute encore. C'est une chanson qui est devenue un peu un classique. De... Et il est mort très tôt, alcool, drogue, etc. Oui, lui, oui, mais et après, il y a... Il y a le leader du groupe qui s'appelle, je ne sais pas s'il est mort ou non, Lito Nebbia, qui a continué avec le groupe. Oui, oui, mais lui, il est mort très, très jeune, mais c'était un sourd-doué, c'est dommage. Alors, 1967, l'Argentine, comme souvent dans son histoire, était en pleine dictature militaire, ce qui m'amène à dire quelques mots de Juan et Eva Perón. Alors, un couple populaire, voire populiste, ça chacun se le voit. Pour faire vite, c'est lui qui est élu, mais c'est elle que l'histoire retiendra. Personnage controversé, hein. Ça donnera autour d'Evita, Eva, une comédie musicale en 78, puis un film en 95 avec Madonna dans le rôle d'Eva Perón et une chanson titre, Don't Cry For Me Argentina, bien guimauve. Alors là, normalement, tout le monde se dit, c'est bon, on a compris, il va nous passer la chanson. Non. Eh bien, pas du tout, tu crois à la mouche qui pète. On écoute La Isla Bonita, c'est la première incursion de Madonna dans le genre latino. Il est fort ce mec. Tout le monde lui doit quelque chose comme ça. C'est vrai que la vérité. C'est vrai. Et c'est une chanson qui j'ai appris ça aujourd'hui, qui avait d'abord été, la mélodie avait d'abord été proposée à Michael Jackson. Alors le vrai virage latino qui marque le déferlement de cette musique dans le monde, c'est le milieu des années 90, c'est le fameux Un, dos, tres. Ricky Martin, Maria, je crois. La sono latino à ce moment-là va devenir mondiale, bonne illustration, c'est le Habana de l'ensorcelante Camila Cabello. Alors j'ai volontairement choisi non pas en espagnol mais en anglais pour bien montrer qu'à ce moment-là le latino devient mondial, langue internationale. Ouais. C'est bien fait ça. Havana, unana. Half of my heart is in Havana, unana. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Moi, je l'écouterai en boucle et puis je la regarderai en boucle toute la journée. Super. Une bizarrerie pour terminer. Voici avec quelle musique j'ai personnellement plus ou moins fait connaissance avec la musique colombienne. Alors Anaël, tu vas laisser les micros ouverts, tu vas lancer le morceau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va écouter ça. Oh, café, café. Un petit café. Collégial. On la joue quelques fois là. Te he visto con tus libros caminando y tu carita de colegiala de mi amor. Tú sonríes y pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Bravo, bravo. Alors si j'ai une question, c'était une pub pour quoi? Pour le café. Pour le café. Quelle marque? Jacques Vabre. Perdu. Non, c'était pas Jacques Favre. Tout le monde a retenu Jacques Favre. C'est pas Jacques Favre. C'est Nescafé. Oui, je savais. Qui a été acheté par Jacques Favre. Merci. T'as oublié un truc quand même qui est important. Si je puis me permettre, pourtant tu es une somme. C'est le titre des Perrons. parce que les Perron, les quoi, ont fait une chanson Perron Pomper. Ça marche très bien. On aurait pu parler de Kessa. Ah oui, non, mais la collégiale, c'est vraiment, ça fait. La camisa negra. La camisa negra, oui, ça fait pas très longtemps. Ils écoutaient tout ça, les deux, quand ils étaient plus jeunes? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils écoutaient plus jeunes? Mais ils ont écouté de suite, dès qu'ils ont découvert le rap, ils écoutaient que ça. Tout de suite. Mais non, ils ont beaucoup écouté de la chanson française aussi. Ils ont beaucoup écouté Brel, ils ont écouté Benabar, même Cabrel, parce que leur mère écoutait ça. Mais eux, après, ils ont mis à écouter Brel et tout ça parce que c'était très intégré par. Intéressés par l'écriture, ils sont toujours écrits, donc depuis tout petit, non, ils lisaient les poèmes de Prévert et tout ça, mais après en musique c'était surtout du rap. Voilà. Eh bien oui, Ginger. Moi je vous ai vu tapoter toutes les musiques sur la table. Oui. Est-ce que vous jouez d'autres instruments? Moi je joue de la table. Je joue de la table, de la bouteille. Non, je joue le guiro, c'est un instrument de percussion qui fait. Ouais. Pour les cha-cha-cha ou pour les cumbias, justement. Après, il y a les maracas et je joue un instrument à percussion qui s'appelle le bombo, c'est un instrument argentin, et je joue un peu de la guitare. Pas aussi bien qu'Alejandro, mais je joue de la guitare pour m'accompagner. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Jingle, on est dans Fausse le dire ensemble jusqu'à 20h. Dès 19h, Fausse le dire reçoit. Que sera de mi vida, que sera? Fabien Ordonez. Hola, hermano. Fabien Ordonez. Como estás? Yo muy bien, ya lo veo. 19h-20h sur Radio Occitanie. Et on enchaîne avec la musique, c'est ce que j'étais en train de dire à la réalisation. On va écouter Tu verras, tu verras. Très belle reprise encore. Oui. Eh bien c'est parti, on l'écoute, on se retrouve tout de suite après. Ah tu verras 18h-20h, c'est Fausse le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Tu verras, Fabien Ordonez qui est là avec nous ce soir. Il n'est pas venu seul. Non, justement. Je suis venu justement avec, on a présenté déjà Alejandro qui va jouer la guitare un peu. Eh bien, on se fait un petit live. Allez, un petit live, vas-y Alejandro, démarre mon petit. J'avoue, je ne bavais pas vous, mon amour. Avant d'y avoir au banc de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la jeunesse. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous avoir vous vu, mon amour. Et vous déplaise en dansant la javanesse. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie nous vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, andamanesse. Nous aimions le temps d'une chanson. Et la sabrie l'embêmez-vous à l'amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaisez, en dansant, nous aimions le temps d'une chanson. Nous aimions le temps chanson, mon amour. Merci beaucoup. Fabien Ordonez et Alejandro, merci, merci beaucoup pour ce live. Merci à vous de votre invitation. C'est magnifique, votre interprétation est sublime. Avec un papa aussi talentueux, on comprend pourquoi les fistons sont aussi talentueux. Exactement, oui. On comprend pas pourquoi ils chantent pas bien. C'est ça. Voilà. Alors qu'ils sont un peu, ils chantent très bien. Comment est-ce possible qu'ils soient mauvais chanteurs? On peut poser une question? Oui. Ah bah oui. On dit non. Non. Parce qu'à Bourcagno, on aime bien manger et on aimait savoir si Fabien aimait bien manger, et surtout argentin. Moi, j'aime beaucoup les grillades. Ah. J'aime la viande grillée, le churrasco. En Argentine, on fait beaucoup l'asado, et c'est la viande grillée. Mais un bon cassoulet aussi, mais bon, j'ai un petit estomac, tu vois bien que moi, avec la moitié d'une saucisse et deux, trois... 8 jours. Oui, avec ça, c'est bon à savoir, on va t'inviter. Vous pouvez m'inviter manger, je ne mange pas beaucoup. On va l'inviter au restaurant argentin qu'on a à Grenade. Ah, c'est vrai. À la Recoleta. À la Recoleta. Ah, je ne connais pas. Recoleta, Grenade. Je vais y aller. Vous n'êtes pas parent avec Maïté? Non, avec Maïté, non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Marie-Thérèse s'appelle Ordonnez. Maïté, mais oui. Mais c'est vrai aussi, bon. Mais c'est vrai. Mais joli. Mais c'est vrai que, mais oui, que bon, tu es maigre aussi, je pète. Tu vas Maïté. De Maïté. Oui. J'avais baptisé ma saucière bien-aimée. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que qu'elle s'appelle Ordonez. Oui, c'est vrai. Bon, ouais, moi je le suis, ça fait pas longtemps, mais non, peut-être on est pas on est de la famille, on le sait pas. Et oui, et qu'est-ce que vous écoutez en général en ce moment par exemple? En ce moment, 100%. J'écoute le disque. 100%. Oui, on vous retrouve sur 100%, on en parlera après. Oui. Je dis que le disque El Padre, il est, ouais, il est très bien. Non, non, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de salsa. Ouais. Je continue à écouter la salsa. J'écoute de la musique folklorique argentine. Mercedes Sosa, par exemple, c'est une chanteuse que je vous recommande d'écouter. Et j'aime un peu toutes les musiques. J'aime Bruno Mars, par exemple. J'aime bien, ça bouge. Ouais. Ça me met en forme le matin. Là. Et, ouais. Non, j'écoute un peu de tout. J'adore un peu toutes les chansons. Même ça m'arrive d'écouter quelques raps qui sont bien. Et... Vous écoutez Big Flo Oli? Oh, non. Surtout pas. Ça. Et je les connais. Je les connais très bien, mais je ne les écoute plus. Je n'ai marre. Vous écoutez Antonio Machin? Antonio Machin, c'est vieux ça. Hein. C'est pas de notre époque, mais on le connaît très bien. Antonio Machin. Il chante comme Antonio Machin. Ah, c'est vrai? Ouais. Il connaît beaucoup, c'est alors, parce que c'est pointu. Parce que c'est... Antonio Machin, c'est vieux ça, non? Ah, c'est un ancien chanteur latino-américain. Moi, il y a quelque chose que. Alors, c'est en direct, c'était pas prévu. Mais c'est l'anniversaire. Parce que tout quelqu'un. Ce qui vient de se passer, c'était. C'était absolument pas. C'est ça le pire. C'est ça que j'aime dans cette émission. Il n'y avait rien de prévu. Rien n'est prévu. On sait qu'on avait la playlist de Pierre et c'est tout. C'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui à qui on tient beaucoup dans cette émission. Et je souhaiterais qu'on lui chante. Si c'était possible. Un joyeux anniversaire ça à lui. Ça va te coûter cher. Il est à la réalisation de cette émission depuis longtemps maintenant. Et on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. En français. En français. Comme vous le sentez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Comment ça s'appelle? Joyeux anniversaire. Un qui s'est chanté dans la bande. Et voilà, qu'on remercie beaucoup parce qu'il est là. À chaque fois, il vient de loin. Il vient d'Ariège, exprès. Et voilà, on arrive au terme. Il a quel âge cette année? 13 ans. Il a chaîné à Muret. Il va sur ses 8 ans, je crois. Il va sur ses 8 ans. Bientôt le lycée. Il va sur ses 8 ans. Il va falloir penser à arrêter les conneries. Hein. On n'a pas dit que. Le duo des noms qui passe à Grenade. Hein? Alors le 26, 27, 28, 29. Et pas les 31. Et pas les 30. Merci, monsieur Fabien. De rien, mais c'est normal. Et vous êtes tous. Moi, je connais. Tous, hein, les auditeurs aussi qui nous. Et on mange chez nous en plus. En plus. Voilà. Ah. Et ben justement, et ben nous. Je vais venir, moi. Il va être l'heure de se quitter. Je tiens à remercier parce qu'il y a des caméras. Ah, il y a une caméra qui est là avec nous. C'est Job D qui nous fait le bravo, plaisir Job. D'être là ce soir. vous aurez, parce que j'apprends que le live vidéo a planté, mais c'est pas grave parce que rien n'est prévu, et vous pourrez retrouver toutes les vidéos bien évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, j'essaie de regarder. Ginger. Qu'est-ce qui se passe, Ginger? Moi, avant qu'on se quitte, je voulais vous faire ma petite promo. Ah ben bah, allez, très rapide. Moi je joue samedi, c'est à Saint-Michel, dans le bar L'Évasion. C'est ouais. un spectacle d'impro, on est trois sur scène, c'est gratuit et c'est trop bien. Ah voilà. C'est gratuit. Du coup, c'est ça. Si c'est gratuit, on va y aller. Mais c'est deux fois. C'est la meilleure chose. Merci beaucoup. Infiniment. Merci de votre accueil. Merci d'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ouais, je ne sais pas, mais c'était bien. Vous venez comme vous voulez. De toute façon, regardez Pierre au début. Il y a bonne ambiance ici. Le duo des noms, c'était pareil. Puis finalement, ils reviennent aussi. Ben, voilà, tout le monde revient. Et on se refera encore plein de choses. Merci beaucoup. On était ensemble, il faut se le dire. Ciao. Et encore bonsoir à tous, Radio Citania. On se retrouve bientôt. Et vous pouvez reprendre l'activité normale, bien évidemment. Ciao. Hasta pronto.